Les attaques psychiques, Daniel, c'est-tu quelque chose qui est organisé contre l'homme, ça? Bon, disons que pour bien démarrer les attaques psychiques, on va définir ce qu'est la psyché. Et puis, c'est quelque chose qui est de deux ordres, disons, pour répondre à ta question, qui est d'un côté organisé et d'un autre côté inorganisé. De toute façon, l'homme se fait organiser. La psyché, c'est ce qui est psychologique chez l'homme. En ce qui concerne, disons, le sujet de ma conférence. Alors, ce qui fait que l'attaque psychique, c'est donc l'attaque de la psychologie humaine, et non pas du mental humain, de l'intellect humain. Maintenant, l'homme qui a un mental est de toute façon coloré par sa psychologie, ce qui fait qu'une attaque, une personne qui subirait une attaque psychique, de toute façon subit irrémédiablement une espèce de mal, de manipulation sur son expression du mental. L'individu qui est intelligent peut, après avoir subi une attaque psychique, paraître complètement débile. Qu'est-ce que l'attaque psychique? Il n'y a pas grand fou ici dans la salle, pas grand folle non plus, et il n'y a pas grand fou ou grand folle qui m'écoute. Maintenant, n'importe qui s'intéresse à la religion, qui s'intéresse à la spiritualité, qui s'intéresse à l'ésotérisme, qui s'intéresse à une évolution dans un domaine quelconque, est sujet à être atteint un jour par justement un phénomène d'attaque psychique. C'est-à-dire qu'il peut, à un moment donné, devenir fou. On appelle ça capoter, virer sur le top, en termes québécois. Donc, même si les individus sont réveillés, même si les individus sont, disons, équilibrés, du point de vue ésotérique, en tout cas, ce n'est pas du point de vue de leur collectivité, ils peuvent un jour finir par être complètement transformés et devoir être suivis par des psychiatres qui vont d'ailleurs les aider à dépérir. Alors, ce qui fait que c'est donc un sujet très intéressant, c'est quelque chose qui est important à connaître. Il faut savoir comment arriver à ne pas être le phénomène d'une attaque psychique. L'individu qui, à un moment donné, on a pu, par l'intermédiaire des journaux, en prendre conscience de temps en temps, l'individu qui entre dans une espèce de secte, dans une religion organisée, et à un moment donné, vend tous ses biens, laisse sa femme, donne tout à la religion, cet individu-là vit, a des symptômes d'une attaque psychique. L'individu qui, à un moment donné, vous accueille à la sortie d'une bouche de métro, subit les effets d'une attaque psychique. Le premier symptôme de l'attaque psychique, ce serait le fanatisme. Mais le fanatisme, il est dangereux et il ne l'est pas. Tout dépend évidemment du cadre social dans lequel tu vas exprimer ton fanatisme. Si tu deviens fanatiste, comme quoi tout le monde devrait être végétarien, alors évidemment, quand tu rentres dans un restaurant avec quelqu'un, ben, faut absolument que tu fasses savoir à tout le monde qui mange de la viande que ce sont des pourris parce qu'ils pourrissent avec la viande. Faut que tu fasses savoir à tout le monde, les personnes qui ne sont pas végétariens, qu'ils devraient l'être. Alors, tu es fanatique du végétarisme. Maintenant, ce n'est pas tellement dangereux. Si tu es fanatique, par exemple, du fait que les femmes sont sur la terre pour servir l'homme et que si elles servent bien l'homme, peut-être que lors de leur prochaine incarnation, Dieu va leur permettre de s'incarner en homme. Et seul l'homme peut évoluer et atteindre Dieu. Bon. J'entends des murmures, mais il faudrait savoir que dans la ville de Montréal, il y a exactement 300 personnes qui vivent avec cette mentalité-là, dans une secte très particulière, et qu'il existe une autre forme d'expressivité religieuse qui prône aussi cet état. L'une est catholique, c'est-à-dire que c'est une secte qui se prétend catholique ou chrétienne, et l'autre n'a rien à voir avec le catholicisme, c'est surtout une religion qui vient de l'Inde. Alors donc, même si on murmure ou même si on rit, dans le contexte de Montréal, il y a des individus et des femmes, évidemment, qui acceptent ce contexte psychologique. Tu deviens fanatique lorsque réellement tu te maries et que tu domines ta femme et que la femme se laisse dominer. Il y a fanatisme dans ce genre de pensée parce qu'il n'y a pas de réflexion. Jamais tu ne dois te demander si tu as raison ou si tu as tort. D'ailleurs, c'est l'apanage du fanatique. Le fanatisme religieux, on le retrouve dans n'importe quelle organisation qui tend à convertir. Et l'attaque psychique qui est débutée par le fanatisme dans la psyché de l'homme, dans sa psychologie, peut dégénérer en actes très, disons, très dangereux ou très déplorables, comme les meurtres qu'on a eus à Montréal et qu'on a eus en banlieue de Montréal, entre autres. Les personnes qui tuaient leurs enfants et leurs femmes au nom de Dieu. Les personnes qui vont violer au nom de Dieu. Hein, il y a un individu qui s'est fait arrêter il y a quelques années dans la province de Québec qui avait violé à peu près une vingtaine de personnes âgées, des femmes, toujours au nom de Dieu, pour punir la femme. Bon. Alors, ce qui fait que ça, c'est un exemple. Moi, j'ai transporté, quand j'étais ambulancier pour Urgence Santé à Montréal, différents individus qui se prenaient pour des extraterrestres ou qui se prenaient pour Jésus, le Nazaréen, ou encore qui se prenaient pour des êtres contactés par Dieu. Ce sont des individus qui sont professeurs, infirmiers, manutentionnistes, qui sont de n'importe quelle classe de notre société et qui tout d'un coup deviennent réellement dangereux parce que ils tiennent réellement à te faire comprendre que tu es Satan, que tu es le mal, quitte à te tuer pour que tu comprennes, quitte à te battre, à faire n'importe quoi. Et ce sont des individus qui, de prime abord, étaient normales, étaient conventionnels, qui se sont à un moment donné intéressés à une religion, à une secte ou à l'ésotérisme, donc à une évolution, à une conscientisation, et qui n'ont rien compris, qui n'ont rien pu mettre en pratique des parcelles d'intelligence de la secte ou de la conscientisation ou de l'ésotérisme. Parce que l'important, ce n'est pas ce qu'une secte enseigne, ce n'est pas ce que je dis, parce que vous allez vous en aller avec ce que vous allez avoir compris de ce que j'ai dit. Et c'est ça qui est important, et non pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit n'a vraiment aucune importance. C'est ce que vous comprenez de ce que j'ai dit, ce que vous interprétez de ce que j'ai dit. Pour les sectes, c'est la même chose. Une secte va dire telle chose, un individu dans la secte est équilibré, fonctionnel dans la société, et l'autre se ramasse à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Alors, ce qui fait qu'un individu qui est normal, évidemment, ne croira jamais qu'un jour, il peut devenir fou. En ce sens qu'il peut être sujet à une attaque psychique. Le phénomène de l'attaque psychique, premièrement, peut facilement débuter, et c'est pourquoi on fait une conférence ce soir là-dessus, pour mettre en garde. Il va débuter quand un individu se met en colère parce qu'il découvre comment il était niaiseux ou comment il était ininstruit. L'individu qui se rend compte un jour qu'il a été manipulé pendant X années, devient révolté. Devenant révolté, il devient fanatique de ce qu'il vient de découvrir. Alors, automatiquement, il ne peut s'empêcher, donc il est manipulé autant qu'il l'a toujours été, sauf qu'il ne le sait plus, il se croit libéré. Il est manipulé et il ira en guerre contre ce qu'il a manipulé, bref, contre ce qu'il a découvert. Cet individu approche le fanatiste et cet individu peut détruire tous les liens sociaux qui lui ont permis d'arriver à découvrir le phénomène de manipulation. Cet individu peut détruire du moins tous les liens, toutes les possibilités, toutes les bases structurelles de sa vie sociale, de sa vie professionnelle, de sa vie familiale. Alors, l'individu qui, à un moment donné, se révolte, et la révolte, elle est essentielle à la conscientisation. Voyez-vous, chaque démarche évolutionnaire pour l'homme, donc, chaque démarche ésotérique ou religieuse ou spirituelle vers une conscientisation se voit assujettie à un piège. Vous devez vous révolter, mais vous pouvez perdre en vous révoltant. Mais vous devez vous révolter pour gagner. Vous devez parler à un moment donné, mais vous risquez encore une fois de perdre. Mais vous devez passer par là pour gagner. C'est-à-dire que pour vous conscientiser ou pour comprendre, vous devez exprimer une certaine démarche, c'est-à-dire mettre en pratique certaines choses. Et chaque fois qu'on va exprimer quelque chose, on risque de tomber dans un piège qui est l'attaque psychique. Attaque psychique qui va être menée par le plan de la psychologie planétaire, donc par le plan de l'astral, par le plan de la société psychologique. C'est-à-dire, un individu se sent tellement culpabilisé, tellement détruit par une forme pensée, une forme de pensée, il ne doit pas faire telle chose, et après 15 ans, il se rend compte que il n'y a aucune raison pourquoi il ne le ferait pas, que c'est totalement banal, que tous les peuples de la Terre le font, puis que les peuples les plus heureux le font. Puis que lui, le cadre, il ne le fait pas, parce qu'il a appris telle chose. Alors, premièrement, il fait attention quand il découvre ça, parce qu'il a peur que les individus avec lesquels il vit le culpabilisent de penser comme ça. S'il arrive à penser comme ça, au diable la culpabilité automatiquement, ne comprenant pas tout le cheminement. Pour éviter de se sentir coupable, il va se révolter. Alors automatiquement, là, il va se révolter contre tout son entourage, contre les prêtres, contre la famille, etc. L'individu qui se révolte peut facilement être manipulé par l'astral sociétaire qui a besoin d'exemple, qui a besoin d'exception dans une loi parfaite. Alors la société, pour bien expliquer à un individu que le meurtre ne rapporte rien, se doit de temps en temps de punir un meurtrier pour te prouver que ça rapporte rien. Sinon, tu croirais que ça rapporte quelque chose. Pour prouver que l'inceste, c'est quelque chose de mauvais, on doit avoir des incestes dans une société, on doit les punir. Pour que tu comprennes que c'est pas beau. Parce que s'il y aurait des incestes et que ça finirait très bien, tu pourrais pas comprendre que c'est pas beau. La morale sociétaire, donc la psychologie qui fait en sorte que la société marche comme elle marche, l'astral sociétaire, c'est ce qu'on appelle l'astral sociétaire, et à l'échelle de la planète, l'astral planétaire, va tenter de prendre les individus qui se révoltent pour en faire des martyrs de la conscientisation, c'est-à-dire pour en faire des exemples. L'individu qui, à un moment donné, a l'idée, a l'impression qu'il a un contact supramental, par exemple, un contact avec Dieu. L'individu va donc recevoir une information et l'astral de la société va tout faire en sorte pour pouvoir récupérer l'individu et en faire un instrument, donc en faire un débile, qui essaiera de prouver à tous ceux qui se conscientisent que c'est dangereux de se conscientiser. Combien d'individus, en se conscientisant dans différents séminaires, disons, donnés par 2 ou 3 personnes dans la province de Québec, ont tout abandonné? Certains se sont suicidés, certains sont devenus complètement fous et couchent dans des lits de Saint-Jean-de-Dieu, Louis-Hippolyte Lafontaine aujourd'hui. Certains, pas énormément, mais des individus qui, à l'origine, étaient en parfait état, en parfaite possession de leurs moyens psychologique et mental, et qui après un séminaire, et qui après différentes conférences, et qui seulement après avoir écouté des cassettes, des conférences sur cassettes, sont devenus complètement débiles, détraqués. Et je pousse le mot loin en employant le mot débile ou complètement fou, mais les individus que moi j'ai eu à transporter, les individus qu'on devait attacher avec des contentions, suffisamment de contention pour qu'ils ne se blessent pas en voulant bouger, c'était des individus qui, à l'origine, étaient normales et qui, suite à une démarche, dans un cheminement de conscientisation, ont été les sujets d'attaques psychiques. Leur psyché a été envahie par l'extérieur, par l'astral planétaire. Une attaque psychique, on peut lui donner un autre nom. Mais cet autre nom-là est surtout n'existe presque plus dans une société comme le Québec. Et c'est la possession par le diable. Un individu qui est possédé par le diable, ça se peut, ça s'est toujours pu, mais ça va se voir surtout dans des pays qui ne sont pas, disons, réellement instruits ou industrialisés ou qui n'ont pas un intellect extrêmement développé. Les pays qui ne connaissent pas l'informatique dans le peuple. Alors ici, on a des micro-ordinateurs que la population peut avoir. En France, on en a. En Angleterre, on en a. Aux États-Unis, on en a. Et dans ces régions-là, on verra presque pas de possession satanique. Dans le sens religieux du terme satanique. Une personne qui vomit vert, qui bave, qui fait de la télékinésie involontairement, bref, qui fait bouger des objets à distance, etc. Les cas de possession conventionnels. Aujourd'hui, ce qui atteint l'individu qui évolue, c'est aussi une possession par des forces noires, par des forces de l'astral, qui tentent à faire évoluer l'être humain. Mais elles ne seront pas exprimées sous la forme satanique. C'est pourquoi les individus n'en prennent pas conscience. Quelle forme qu'elles prennent à ce moment-là, Daniel? Alors, l'attaque psychique va prendre la forme du fanatisme religieux, va prendre la forme dans les phases très mineures. Parce qu'un individu qui a peur de Satan, qui porte un pendentif pour se protéger, fait partie des états mineurs de la possession par le diable. Elle est déjà prise par le diable et sa vie est vouée à se défendre contre le diable. Donc, elle est déjà vouée au diable. Mais c'est une forme mineure d'attaque psychique ou de possession satanique. L'individu d'aujourd'hui sera fanatique en ce sens qu'il croira avoir, lui, la seule vérité, même s'il a toujours sa capacité mentale d'expliquer des phénomènes. Il est fanatique, mais il est le seul à avoir raison, ce qui est dangereux. Mais c'est une forme mineure, disons un début de symptômes d'attaque psychique. Un individu qui commence à être mal pris par cette attaque psychique, c'est un individu qui, premièrement, ferme ses portes à tout. Donc, il devient paranoïa, en ce sens qu'il n'a pas peur des individus, mais il a peur en maudit des connaissances que les individus peuvent lui amener, ce qui fait qu'il va refuser toute discussion vers lui avec un autre. Lui va pouvoir t'expliquer des choses, te convertir, t'amener, mais toi, tu ne pourras rien dire. L'individu qui va plus loin que ça, c'est un individu qui n'est même plus conséquentiel des actes normaux. C'est un individu qui va arriver à ne plus manger, parce que c'est pas important. À ne plus dormir, parce que c'est une perte de temps de dormir. À ne plus vouloir, bon, tu comprends pas, fait que je te maudis là, je te laisse là. Alors, il y a plusieurs individus qui laissent leur femme ou qui laissent leur mari et qui laissent leurs enfants, qui laissent leurs emplois parce que c'est plus important. Alors, ils sont de plus en plus manipulés par l'astral négatif et ils sont sujets à des attaques psychiques. À un moment donné, l'individu devient encore pire que cela. Il voudra détruire, c'est-à-dire faire évoluer l'humanité. Il voudra aider l'humanité. Il voudra purifier l'humanité, purifier l'astral de l'humanité. Si un conférencier a dit qu'il fallait purifier l'astral de l'humanité, il voudra détruire l'astral de l'humanité. Si un conférencier a dit qu'il fallait détruire l'astral de l'humanité, il voudra faire bénéficier de l'énergie supramentale aux individus. Si un conférencier a déjà dit ça, lui, de par lui-même, ne pourra pas. Il sera simplement assujetti à la mémoire de ce qu'il aura perçu en séminaire, en conférence ou sur cassette. Et il pourra même devenir violent. Il est déjà violent pour lui-même, mais il pourra devenir violent pour d'autres. Et l'important de ça, c'est que l'individu qui en est rendu là ne peut plus s'en rendre compte. Il devra donc être exorcisé, soit par des médicaments, par la psychiatrie conventionnelle, et comme tout à l'heure je l'ai dit, ça débilite plus que d'autres choses, ou il devra être exorcisé par un conférencier ou un prêtre conventionnel de n'importe quelle future religion organisée qui pourra venir l'exorciser, parce que ça fonctionne. L'important, c'est pas qu'on vous exorcise une fois que vous êtes rendu très bas. L'important, simplement, c'est que vous découvriez vous-même les formes de manipulation qui sont symptomatiques de l'attaque psychique ou de la manipulation de l'astral, mais manipulation qui se fait d'une façon violente. Tout le monde est manipulé par l'astral, c'est pas grave. Tout le monde est manipulé par la société, c'est pas grave. Mais ceux qui ne veulent plus être manipulés par la société, alors là, on met la GRC sur leur dos. Et la manipulation est encore plus forte et drôlement plus dangereuse. L'attaque psychique, c'est de même ordre. C'est-à-dire que vous êtes manipulé, pas de problème, on vous annonce du beurre d'arachide Kraft, vous allez l'acheter, on vous parle d'un nouveau savon, vous allez l'essayer, on vous parle de telle chose, bref, ça va bien. On met des annonces, on met des articles dans les journaux qui amènent l'individu à prendre pitié des événements, et vous prenez pitié des événements. C'est-à-dire qu'on monte un meurtre et puis ça vous touche. On monte des accidents, ça vous touche. On parle des personnes, des enfants qui ont été adoptés qui veulent retrouver leurs parents et ça en touche certains. On parle de plusieurs choses et ça touche. Vous êtes manipulé par l'astral collectif. Mais ça, c'est pas grave parce que l'individu, de toute façon, peut décider, même dans sa manipulation, lesquelles des choses vont le mieux avec lui. Lorsque l'individu découvre la manipulation de son patron, manipulation de la religion, manipulation des uniformes, uniforme d'un officier de police, uniforme d'un soldat de l'armée canadienne, de n'importe quel genre d'uniforme, d'un gardien de sécurité, d'une infirmière, d'un médecin. La manipulation des noms. Je suis docteur, alors vous avez telle maladie, prenez tel médicament. Et toi tu dis oui, mais peux-tu m'expliquer plus? Tu comprendrais pas, prends ça, fais-moi confiance, dans deux semaines tu reviens me voir. Ah, tu t'en vas, bon, mais il est médecin. La manipulation du mot. Toi, tu décides que c'est important, il est médecin. Et il y a plusieurs médecins qui pourraient vous dire qu'il y a plusieurs médecins qui ne valent pas grand-chose. Mais la manipulation du mot. Tu passes en cours devant le juge. Et tu ne peux pas te permettre d'éternuer ou de péter sa chaise. Parce que tu es dans une cour, provinciale, mais quand c'est la haute instance fédérale, c'est différent. C'est juste des mots qu'on rajoute. Parce que arrive tout nu dans une cour pour te faire juger, le juge est tout nu, les avocats sont tout nus, puis tout le monde est tout nu. Puis tu ne pourras pas trouver autant de sérieux dans la cour. Mets tel genre d'habit, mets tel genre de nom, tel genre de plaque sur le bureau, monte les chaises un peu plus haut, baisse les chaises des accusés ou fais-les tenir debout. Et tout est différent. Alors, la manipulation de l'astral dans la collectivité, par la société, elle est normale. Mais quand l'individu se révolte contre cette manipulation parce qu'il en prend conscience, ou il y a un pacte psychique, c'est lorsque sa prise de conscience ne peut servir à rien d'autre que sa psychologie de révolter. Et l'important, c'est qu'à un moment donné, l'individu qui commence à comprendre des choses se révolte. Alors, je l'ai dit, s'il se révolte par rapport à lui-même et non pas par rapport à la manipulation de l'extérieur, il n'y a pas de danger d'attaque psychique. Où cela devient dangereux, c'est quand l'individu se révolte non pas contre le fait que lui a été brimé, mais contre le fait que l'extérieur l'a brimé. Alors lui va, même s'il est avocat, décider à un moment donné en rentrant dans la cour, il voit le juge qui s'appelle Pierre quelque chose et que tu appelles votre honneur ou votre seigneurie, puis se rendre compte qu'en fin de compte, c'est un homme comme lui. Fait qu'il commence, « Bon, Pierre, j'aurais telle affaire. » Bon, ben, en partant, sa cause commence bien mal parce que le juge, lui, n'est pas au courant des manipulations. Il est juste au courant qu'il a besoin de respect puis qu'il se sent tout frustré, tout dégringolant en bas de sa chaise puis que ça, il ne peut pas le vivre. Alors, l'individu qui commence à subir l'attaque psychique n'est pas capable d'être diplomate pour se rendre compte que lui ne doit plus te manipuler, mais que les autres sont toujours assujettis à ce phénomène-là, donc il n'a pas à aller convertir toute la population de la province de Québec ou du monde, parce que lui vient de découvrir à un moment donné quelque chose, qu'il n'est même pas sûr que c'est vrai, mais qu'il croit être vrai. Alors notre avocat qui vient de comprendre ça rentre, regarde ça, à l'intérieur de lui il rit un peu, et il va jouer le jeu. Mais maintenant il est un acteur conscient au lieu d'être un acteur inconscient, ce qui fait qu'il se conscientise sans risquer l'attaque psychique. Il ne se révoltera pas contre le reste. Alors, tu rentres, ta femme ou ton mari fait une tentative de manipulation. Tu ne commences pas à tout lui envoyer en pleine face le fait qu'elle te manipule, puis qu'à partir de maintenant que ça ne marche plus, puis patati patata. Parce que si tu fais ça, toi, tu essaies de la manipuler, et tu la manipules d'une façon dramatiquement dangereuse, parce que tu cries, tu te mets en colère, tu es révolté, et toute la merde que tu devrais te mettre sur le dos, tu essaies de la mettre sur la société. La société ne le prendra pas. Est suffisamment puissante pour ne pas se laisser prendre par un individu qui décide de tout changer, et l'individu, à la longue, finit par être de plus en plus brimé. Parce que non seulement il est manipulé par le nom, par exemple, du juge, en plus, s'il décide de passer par-dessus cette manipulation-là, il l'appelle Pierre, il se voit donner une amende. Alors là, franchement, il est en beau, il ne payera pas l'amende, puis il veut même rouspéter, puis là, on le punit encore plus, puis il va encore plus crier jusqu'à un moment donné où il peut se ramasser en prison, puis à un moment donné, ben c'est un des pires criminels qu'on a dans la société parce qu'il décide qu'il va se venger. Il a le droit de se venger. Puis quand un individu est convaincu qu'il a le droit parce qu'on lui doit quelque chose, il va tout faire, sa conscience ne l'empêchera pas de rien faire, sa conscience, elle est pure. Tu travailles quelque part, tu travailles bénévolement. Après un an de bénévolat, tu finis par te dire que, crime, j'ai pas de carte de remerciement, j'ai pas eu de petite médaille, puis en fin de compte, ils me doivent en tabarouette. Fait que là, tu commences à plus payer les jeux que tu prenais. Tu commences à essayer de passer à la cafétéria de l'endroit où tu travailles sans payer. Mais là, ça te dérange pas, ils te le doivent. Fais un an que tu travailles là. Et là, tu t'en vas lentement vers un individu dangereux parce que tu n'as même plus de frein de conscience. Le frein de la morale qui a été donné à l'astral par des intelligences supérieures antérieurement. La morale, elle a une bonne chose. Tant qu'elle est là pour empêcher une exagération faite par une collectivité. Elle est stupide dans un individu, mais l'individu doit, s'il n'a pas de morale, avoir l'intelligence pour savoir ce qui est diplomatiquement faisable, ou encore dans un contexte. Alors, ce qui fait que l'individu, à un moment donné, croit que la société l'a tellement ruiné, l'individu qui met le feu dans une église, parce qu'on a eu quelques églises qui ont brûlé. Mais cet individu-là a découvert combien de fois et combien d'années il avait été manipulé. Et à un moment donné, il décide de se venger. Puis c'est pas grave, Dieu le punira pas, Dieu est avec lui. C'est évident que l'Église a manipulé. L'Église, elle en a sauvé aussi un maudit paquet d'individus. Elle en a perdu plusieurs. Mais c'est pas à un individu qui découvre ça de déterminer que tout le monde n'a plus le droit d'aller à la messe. Qu'il faut que tout le monde comprenne. Lui, quand il n'était pas prêt à comprendre, il ne pouvait pas comprendre. Si on mettait le feu à l'église, il tuait le gars qui venait mettre le feu. Et maintenant qu'il comprend, lui, il vient mettre le feu à l'église. S'imaginant que tout le monde va trouver ça normal. Alors, ce qui fait que l'attaque psychique, c'est que l'individu, à un moment donné, qui commence à comprendre, se révolte. C'est normal. Il n'y a pas un seul foutu individu ici qui se révolte pas ou qui s'est pas révolté à un moment donné quand il a commencé à découvrir certaines choses. Il se conscientise puis il se révolte. Mais sa révolte, elle est placée où? Dans l'extérieur, où qu'il l'a manipulé? Ou vers lui-même qui a été suffisamment sans dessein pour se laisser manipuler? Si la révolte est placée à l'intérieur, il n'y a presque pas de danger d'attaque psychique, mais la culpabilisation qui peut dégénérer de cette révolte intérieure peut nuire. Mais c'est pas grave, ça va se placer. Mais si l'individu se révolte à l'extérieur, ou l'individu croit maintenant qu'il a compris avoir des droits, la société ne lui donne pas plus de droits parce que l'individu a compris. Plus une masse comprend, moins elle est manipulable. Alors, on ne donnera pas plus de droits parce que tu comprends. Tu deviens un grain de sable dans le rouage. Alors, on ne donnera pas de place dans le rouage. Donc, Daniel, ça part d'une perception qui est réelle, dans le sens qu'il voit quelque chose que d'autres ne voient pas. Mais à partir du moment où l'escalade t'amène à un rôle de sauveteur, là c'est la démarcation dangereuse, finalement. C'est-à-dire que tu peux être sauveteur, vengeur ou révolté ou pour n'importe quelle foutue raison. Mais une chose qui est sûre, c'est que toi, si tu te révoltes contre l'extérieur, un individu sur 1000 qui passe par ce chemin et qui se révolte contre l'extérieur finit dans un hôpital psychiatrique, en prison ou dans un cimetière. Mais si cette paranoïa est retournée contre lui-même, mais est-ce qu'il n'y a pas danger aussi de suicide? Culpabilisation qui peut l'amener justement à se freiner. Mais celle-là, elle est moins dangereuse dans le plan évolutionnaire. Parce que l'individu qui évolue, c'est pas important pour personne. C'est la collectivité qui évolue qui est importante dans l'évolution de la planète, pas un individu. Sauf dans quelques rares exceptions. Alors, l'individu qui se suicide, c'est beaucoup moins grave que l'individu qui essaie de convertir la population. Parce que la population va simplement se monter contre ce genre d'individu-là, donc elle ne pourra pas comprendre le principe. Rentre dans une église, puis commence à crier n'importe quelle connerie, comme quoi il y a manipulation, que dans la Bible on dit de ne pas juger, et qu'en cours on se fait juger sur la Bible pour savoir si on dit la vérité, donc tu peux, à partir de là tu peux te permettre n'importe quoi, que tu ne devras pas fabriquer d'images taillées ou dessinées à la représentation des choses du ciel, puis c'est plein de bibelots dans une église qui représentent les choses du ciel. Alors toi tu as compris des choses, tu as vu des choses qui en soi n'ont aucune importance. Mais toi, tu vois que ces personnes-là se contredisent, tu vois que toi, tu as accepté ça, que tout d'un coup, tu découvres comment tu te laisses avoir, que Dieu s'est reposé le septième jour, que tout le monde doit se reposer le septième jour. Et comme tout le monde sait, dimanche, c'est le premier jour de la semaine, samedi, c'est le dernier jour de la semaine. Donc, on devrait se reposer le samedi et travailler le dimanche. Et qu'en réalité, présentement, on se repose le premier jour de la semaine. Selon le calendrier qu'on a, c'est effectivement dimanche, c'est le premier jour. De toute façon, regardez le calendrier que vous achetez. Tu découvres ça, tu rentres dans une église, puis tu veux tout briser. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe absolument rien d'autre que la population qui est là, au lieu de se convertir à l'intelligence de ce que tu viens dire, ben ils vont simplement voir que tu es un malade, que tu es un fou, puis que c'est parce que tu n'aimes pas Dieu que tu es comme ça, que c'est parce que tu n'aimes pas suffisamment, que c'est parce que tu ne fais pas comme eux autres. Alors tu deviens donc une forme qui va servir à l'astral pour retarder l'évolution de la collectivité. Tu prouves à tout le monde que le monde ne doit pas faire comme toi. Gaël, lui, il va dans des conférences d'ésotéristes. Regarde comment il est rendu. Alors, tu ne fais que servir le frein à l'évolution de la collectivité. Et l'attaque psychique, je le répète bien, un individu sur 1000 peut arriver dans un état qui est dangereux. Mais un individu sur 1000, ça veut dire que juste moi, en termes d'individus qui me suivent comme conférencier, à la fois, on en a une centaine, mais en rotation, on en a un peu plus de 1000. Ça veut dire que là-dessus, il y en a un qui va se ramasser à Saint-Jean-de-Dieu ou en prison ou encore qui va se faire abattre. Si on regarde d'autres conférenciers, si on regarde la population, et ce un-là, c'est qui? Il n'y a personne qui peut le savoir parce que les individus qui vivent ces phénomènes-là sont des individus qui sont normaux. Sont des individus qui sont même très intelligents et qui comprennent vachement bien. Mais à un moment donné, ils ne discernent pas la révolte essentielle de la révolte qui est inutile, qui est une révolte poussée par la manipulation. L'individu qui se rend compte qu'il a été volé par les Juifs, qui décide une fois qu'il devient ministre de la Défense nationale d'exterminer tous les Juifs, est manipulé. Ce n'est pas le résultat d'une intelligence. Tu as été... Tu vas dans un magasin, tu achètes quelque chose, tu sors puis tu te rends compte que le vendeur t'a eu. Parce que le magasin d'à côté, c'est moins cher puis tu ne l'as pas dit. Mais le rôle du vendeur, c'est de vendre et de faire de l'argent. Le rôle de l'acheteur, c'est de bargainer, économiser, baisser les... Si tu joues pas ton rôle, ça te regarde. Puis le vendeur ne t'a pas volé, il a joué son rôle. Et toi, tu as joué le rôle du client conventionnel. Mais si tu joues le rôle d'un client intelligent, tu commences pas à traiter le vendeur de voleur. Tu agis en client intelligent. Puis si le vendeur te vend pareil, puis le vendeur se dit, « Bon, mais là, j'ai fait 35 cents de profit. C'est pas mal génial. » Il n'a pas à traiter, il traitera pas le client de voleur. C'est à lui de pas vendre. Puis s'il a vendu, c'est son jeu à lui. Mais il n'y a pas de voleur, puis il n'y a pas de volé. Il y a deux individus qui jouent un jeu. Mais toi, quand tu comprends la manipulation, tu peux arriver à manipuler le manipulateur, c'est-à-dire que tu peux arriver à décider de quelle façon tu seras manipulé. Alors, c'est trop cher, tu crois que l'individu te vole, tu crois que tu pourrais avoir meilleur marché, et tu crois que si tu jases avec, tu discutes avec, tu vas réussir à faire baisser son prix puis à partir avec l'objet, ben c'est à toi de le faire. Si tu n'es pas assez confiant en toi, c'est pas la faute du vendeur. Tu sais, les patrons sont là pour faire de l'argent, les employés sont là pour faire de l'argent. De là à ce que l'employé demande, à ce que le patron donne plus d'argent aux employés que lui-même s'en garde? Non. C'est ce que le syndicat veut avoir. Puis il y a beaucoup de syndicats qui ont fait fermer des compagnies. Et il y a beaucoup de syndicats qui ont énormément aidé les employés. Mais l'idée, simplement, c'est que l'individu qui se conscientise doit voir les rôles là où ils sont. Mais l'individu qui ne voit que la manipulation d'une personne par rapport à lui-même veut se révolter. Tu rentres dans un cinéma, tu achètes un billet. Puis tout d'un coup, tu as, je sais pas moi, une crise d'angine. Fait que tu sors dehors, tu prends de l'air un peu, puis là, tu prends 15 minutes d'air. Quand tu rentres, tu dis, j'ai déjà mon billet. La personne va te dire, non, monsieur, ça se peut pas, on n'en vend pas avant. Oui, mais je l'ai acheté à l'heure, je me suis senti mal, je suis sorti dehors, j'ai pris de l'air. Mais c'est plein de monde. Là, tu vas t'estimer avec elle. Puis tu peux même aller jusqu'à y traiter des noms. Ça, c'est une attaque psychique qui est limitée dans le temps, qui ne te détruira pas. Mais si c'est parce que tu t'es conscientisé que tu décides que tu dois avoir raison sur elle, ça, c'est une attaque psychique qui peut lentement t'amener à vouloir avoir raison sur tout le monde. Elle, elle a un... Si tu serais le patron du cinéma, tu irais l'enguirlander en tabarouette, ça laisserait rentrer un client qui a acheté un billet la semaine dernière, qui a vu le spectacle, mais on avait oublié d'y déchirer son billet, et il revient aujourd'hui te disant qu'il a eu mal, puis qu'il est sorti 15 minutes avant, puis encore un billet intact, puis il passe. Alors toi, t'es caissier, tu fais quoi? Si tu laisses rentrer le patron de gueule après, si tu l'empêches de rentrer lui de gueule après. Si toi, t'es conscientisé, ben il y a bien des réactions qui vont pouvoir se passer en toi si tu n'es pas sujet aux attaques psychiques localisées dans le temps ou qui peuvent s'éterniser jusqu'à l'hôpital. Et tu vas réagir d'une façon intelligente. L'individu qui découvre la manipulation, puis c'est là qu'il y a le plus gros problème de la manipulation. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on va revenir dans l'impression superposée, une conférence qu'on va faire prochainement. L'individu découvre la loi de l'impression. C'est quoi la loi de l'impression? Moi, je dis quelque chose, ça vous impressionne. C'est-à-dire que ça vous marque. Ça reste dans votre psychologie. Ça vous fait réagir. Bon, si on vous donne des insultes, ça vous fait réagir. Si on vous donne des compliments, ça vous fait réagir. Vous gagnez 1 million à la loterie, ça vous fait réagir. Ça, c'est simplement des événements qui sont soumis à la loi de l'impression. Ça vient marquer, impressionner, comme sur une photo, votre mémoire. Alors, vous vous en souvenez. Ça vous marque. Un individu, ou encore simplement, vous roulez bien lentement, bien tâteau à 30 000 à l'heure sur le boulevard métropolitain, dans la voie de gauche, puis vous obstruez toute la voie de gauche, puis les deux autres voies sont pleines. Mais vous en allez, il n'y a rien là. Tout d'un coup, il y a une ambulance qui vous envoie une sirène derrière la tête, ou encore une grosse vanne qui vous met son cornet. Puis là, la loi de l'impression entre en jeu, et vous êtes impressionné, impressionnable, et vous allez donc réagir à ce phénomène-là. La manipulation, les individus qui découvrent à un moment donné la loi de l'impression, croient la manipuler. Elle n'est pas manipulable par l'être humain. On ne peut que transformer l'expressivité de la loi de l'impression, mais elle n'est pas manipulable par l'être humain. Pas l'être humain normal, l'être humain qui vit présentement sur la planète. Alors, ce qui fait que l'individu, qu'est-ce qu'on conscientise, qui découvre à un moment donné les lois de la manipulation, tu cries, puis là, je sursaute, puis après ça, je me sens tout bon. Bien, à un moment donné, je vois bien que je suis manipulé. Tu as juste à crier pour que je réagisse. C'est stupide. Alors, maintenant, tu cries, puis je réagis plus. Alors, je suis plus manipulé. Cet individu-là, qui croit connaître la loi de l'impression, n'en connaît rien. Parce que si je te donne, je fais juste faire ça au niveau de tes yeux, tes paupières vont scier. T'es manipulé. Alors, tu décides que tes paupières ne scient plus. Puis la journée que je t'envoie une claque en plein visage, je te crève un œil. Bon, mais tu n'étais pas manipulé. Ben voyons donc, tu ne bouges pas tes yeux parce que tu as appris que faire ça, c'était manipulé. Donc, tu es manipulé, tu as découvert, puis tu ne bouges plus. Tu es toujours manipulé. Les yeux de sèche. Ben oui, les yeux de sèche en plus. Ouais, tu vois de moins en moins bien, dans tous les sens du mot. Alors, tu crois être, ne plus être manipulé. Et la loi de la surimpression, c'est ça. Ça, on va revenir à une conférence prochaine. Maintenant, l'idée même, c'est que l'individu qui découvre la loi de l'impression, la manipulation, t'aurais dû faire ça. Crème, tu vois bien que ça me fait pas plaisir ou que ça me rend malheureux. Ou encore, tu brises mon harmonie. Puis ça, il y a plusieurs conscientisés qui disent ça à leur couple, hein? Quand la femme ou le mari rentre avec ses paquets, puis tu venais m'aider à mettre ça dans le frigidaire. Tu veux pas que tu brises encore mon harmonie? Bon, mais ça, c'est une manipulation. L'individu ne sait pas, mais il essaie de manipuler. Et il est extrêmement manipulé lui-même. Mais il croit être libre. Il est encore plus pogné qu'il l'était. Mais cet individu-là est sujet aux attaques psychiques parce qu'il essaie de tout transformer l'extérieur de façon à ce que l'extérieur ne le manipule plus parce que lui, supposément, n'accepte plus la manipulation. Ça va-tu jusqu'à dire qu'on ne devra pas être englobé par un rien qui nous impressionne au point de dominer notre vie, finalement? Premièrement, c'est évident que normalement, l'individu, d'ici un futur prochain, d'ici quelques, je ne sais pas moi, 5 500 ans, à l'aile 1000 ans, l'individu va arriver à ne plus être impressionnable, l'individu collectif. C'est sûr que quelques individus hors la collectivité vont arriver à ça prochainement. Donc, très, très prochainement, dans les quelques dizaines d'années à venir. Mais la collectivité, 500 ans ou 1000 ans ou 2000 ans. Bon, maintenant, l'individu, à un moment donné, ne pourra plus être assujetti à la loi de l'impression, à la loi de la manipulation. Tu vois une annonce à la télévision, et puis l'annonce ne fait rien dans ta psychologie. Mais l'attaque psychique, elle se fait où? Elle se fait quand tous les petits concepts que tu avais, tu les as détruits pour placer le gros concept de la révolte. Tu comprends. On ne te manipule plus, tu ne peux plus te laisser avoir, tu détermines de par toi-même ce qui est bon et ce qui est mauvais. En partant, tu es manipulé parce que le bon et le mauvais, c'est typique de l'astral, puis de la dualité de l'homme. Alors, ce qui fait que tu restes manipulé, mais tu crois que tu es libre. Et tu finis par décider que l'individu qui rentre et qui dit « viens m'aider », non, ça ne me tente pas. Bon, oh, viens donc, s'il vous plaît. Non, tu n'es plus manipulé. Ça ne te tente pas, tu n'y vas pas. Il n'y a pas question que tu, quoi que ce soit, tu n'y vas pas. Bon, puis toi, quand tu rentres, viens m'aider. Non, hey, manipulera pas, hein, viens m'aider. Bon, puis ça, c'est le phénomène de tous ceux qui se conscientisent, qui découvrent la loi de l'impression. Et qui découvrent un million de cochonneries dans le genre. Mon char s'en va en ruine, mais ça me dérange plus. Bon, puis quand le char est sur le derrière, ben, tu marches, puis tu payes un touring, puis à un moment donné, t'as plus d'argent, puis t'es sur le bien-être, puis t'es pas manipulé. Ben, t'es manipulé en maudit, sauf que tu crois plus. Mais si tu décides, justement, que tu ne te feras plus manipuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'intelligemment, par l'intelligence, si l'énergie supramentale, par l'intermédiaire de la gestion de pensée, peut venir en toi te diriger. Parce qu'il faut bien comprendre que l'ajusteur de pensée va ajuster l'idéologie mentale. Mais l'ajusteur psychologique qui existe, lui, va ajuster, bien avant l'ajusteur de pensée, toute les phénomènes vibratoires de ta psychologie. Mais si l'ajusteur psychologique ne peut pas entrer en fonction parce que l'être humain, l'individu qui se conscientise, n'en a pas le besoin, ne veut pas communiquer avec son ajusteur psychologique, ne veut pas vérifier par le mental ce qu'il fait dans sa vie, ce qu'il exprime, l'individu va simplement vouloir se révolter contre tout ce qu'il manipule. Alors automatiquement, l'individu qui ne veut plus être manipulé décide simplement que ce qui se passe ne laisse pas de traces en lui et que lui, à partir de l'intelligence de sa psychologie, va décider si oui ou non, il devra agir ou ne rien faire. Alors tu arrives, tu me dis « viens m'aider à ramasser l'épicerie », c'est pesant, puis tu fais jamais rien. Donc, c'est une manipulation de l'autre. Tu ne fais jamais rien. Elle veut te culpabiliser pour que tu fasses de quoi? Toi, tu penses à ça, ah, elle me culpabilise, elle veut me manipuler. Maintenant, elle a 8 paquets à monter, peint tout seul. Fait que moi, aller l'aider. Fait que tu dis, oui, chérie, tu te lèves, tu y vas. Tu n'es pas manipulé. Et tu refuses la manipulation, mais tu restes intelligent. Et l'autre, ce que l'autre pense, ça n'a aucune importance pour toi. L'autre individu qui ne refuse d'être manipulé, il n'est pas intelligent. Et c'est ceux-là qui sont sujets aux attaques psychiques. Et c'est la grande majorité des individus qui se conscientisent, 99,9999999.9% des individus, qui sont sujets à l'attaque psychique dans les premiers débuts de la conscientisation. Alors, ce qui va arriver, elle veut me manipuler, non, tant qu'elle veut me manipuler, moi, je le fais pas. Fait que ça fait rien, tu y vas pas. Qu'elle monte ses 8 paquets. Même si c'est ta bouffe qui est dedans. T'sais? Alors là, tu deviens dangereux lentement. Tu vas briser ton ménage, ça c'est pas trop grave. Mais si tu te révoltes même contre la femme qui brise ton ménage, parce que c'est pas toi qui le brise, c'est elle. Elle vient qu'à se conscientiser comme toi, pis c'est tout. Ben lentement, pas trop vite, tu fais partie du 50% des individus qui se conscientisent, qui vivent des problèmes de ménage, des problèmes de travail, des problèmes au niveau de leur contexte social. Et de ces 50%-là, 10% vont être malades, et là-dessus, peut-être 1 sur 1000 peut être dangereusement malade. Et la différence entre un individu qui se conscientise réellement, c'est l'individu qui pèse par l'intermédiaire de son mental, et le mental va créer l'ajusteur psychologique, celui qui pèse le pour et le contre de ce qu'il a appris et des impressions qu'il a. Donc, l'individu s'observe. S'observant, il a donc une idée de ce qui se passe en lui dans sa psychologie. Ça devra être interprété par l'ajusteur psychologique qui va être créé par le mental, disons, par l'intellect. Et l'intellect va regarder ce qui se passe en toi et l'événement. Et va te donner l'idée, c'est-à-dire va te suggérer l'action qui devra être faite pour qu'effectivement il n'y ait pas de manipulation, mais qu'il y ait intelligence. Si j'arrive puis que je te dis... je vais te tuer. Sauf si tu lèves la main. Alors, je te manipule. Que tu dis, ben, il ne manipulera pas. Bon, je te tue. Alors, tu es bien mieux d'être manipulé et de lever la main. Ça, dans un point extrême, tu vas le faire. Mais si c'est pour monter des paquets d'épicerie, qu'il y a 3 étages qui fait froid, tu es en pantoufles et en robe de chambre, puis que ta femme arrive d'épicerie avec ses 8 paquets, ben là, tu ne risqueras pas de mourir. Alors là, tu peux décider que, je m'en vais aux toilettes. J'ai la diarrhée. Bon. Fait que. Puis si ta femme a décidé qu'elle s'assoyait, puis une demi-heure après, quand tu sortais avec ton astérix en dessous du bras, puis là, qu'elle voulait encore que tu ailles l'aider, ben, tu peux, si tu es du côté révolutionnaire, ben, devenir violent. Que ça fait une demi-heure. Tant qu'elle niaisait l'heure, elle peut y monter, ces maudits paquets. Même si c'est ta bouffe qui est dedans, comme la tienne. Tu ne peux pas peser, tu ne peux pas voir, parce que tu ne fais qu'agir au niveau de ta psychologie. Alors, ce qui fait, Daniel, à ce moment-là, durant l'attaque, psychique, là, qu'est-ce qui fait l'ajusteur psychologique? L'ajusteur psychologique, c'est facile à reconnaître. Si un jour vous vous mettez en colère contre l'extérieur de vous, vous êtes assujetti à une attaque psychique. Mineure, localisée, mais c'est un symptôme du début. Alors, un individu qui se conscientise ne peut pas se mettre en colère contre personne, et s'il ne se met pas en colère contre personne, c'est qu'il a un ajusteur psychologique en opération avec lequel il communique très bien. Et l'ajusteur psychologique, tous les individus en ont un qui est très individualisé, qui est personnalisé aux individus. Il est relatif de l'intellect, du mental de l'individu et de sa psychologie. C'est une synthèse, disons, une espèce d'ONU entre les deux. C'est un terrain neutre qui permet à l'astral et au mental de pouvoir se communiquer pour pouvoir décider des choses. Et la psychologie, l'homme psychologique qui est en relation avec son ajusteur psychologique, est un individu qui, avant d'agir, laisse le mental peser le pour et le contre d'une action et qui, normalement, va écouter le résultat de ça au lieu d'écouter le résultat belliqueux qu'il a en lui. Tu te mets en colère, tu cries, tu parles, tu veux dominer. Tu es sur le mauvais penchant de la conscientisation, tu es assujetti au côté obscur de la conscientisation, tu es sujet à être manipulé, puis à un moment donné, à être possédé, à être totalement dépendant d'une attaque psychique. Si tu ne te mets pas en colère jamais, oh, c'est sûr que de temps en temps, vous allez vous mettre en colère. Mais si vous êtes en colère, parce que révolté, parce que vous vous voyez manipulé, c'est une colère obscure, c'est une conscientisation noire, c'est-à-dire que vous risquez d'être assujetti à une attaque psychique. Si vous vous mettez en colère parce que l'astral s'exprime sans qu'il y ait eu de révolte, sans que vous ayez eu à fouiller dans vos mémoires de conférences ou de cours ou d'apprentissage ou de découvertes, pour découvrir que vous étiez manipulé, il n'y a aucun danger sous une colère psychologique conventionnelle. À bannir, mais qui n'est pas dangereuse. Autrement dit, tu me donnes tu me piles sur le pied, je te maudis une claque derrière les oreilles. Bon, je suis pas assujetti à une attaque psychique. C'est mon astral psychologique conventionnel qui réagit bien avant que le mental se rende compte. Tu me coupes à ton auto, je te klaxonne, je te crie après, j'ouvre ma flèche, je te lance un paquet de bêtises, je te tire des œufs. C'est mon astral psychologique. Mais si je me dis, oh, le torieux, ben, s'il pense me manipuler comme ça, oh, là, fais attention à ce que tu penses. Là, tu te sers de ce que tu as appris pour te donner des excuses pour devenir encore plus méchant, plus mauvais. Là, tu peux être assujetti à une attaque psychique. Et là, tu t'en vas du côté obscur de la conscientisation. C'est-à-dire que tu deviens un instrument pour freiner l'évolution. Cette révolte noire-là, à ce moment-là, c'est comme si elle met ton cerveau en fibrillation. Puis là, tu perds énormément d'énergie, finalement. Exactement. Ton cerveau est inopérationnel. Tu ne te sers, ta psychologie se sert des connaissances intellectuelles qu'elle a pu apprendre par l'expérience ou par une conférence, un livre, une cassette, etc., pour s'en servir pour pouvoir renforcer l'expressivité de sa psychologie qui est là déjà. Alors, si tu t'assommes quelqu'un parce qu'il t'a dit des bêtises, c'est bien moins grave que si tu l'assommes au nom d'une leçon, de la conscientisation, au nom de la non-manipulation, au nom de tout ce qui peut aller avec la conscientisation. Tout ce que tu fais de violent au nom de Dieu, Satan peut le faire mieux que toi. Puis lui aussi le fait au nom de Dieu. Fait que ça, laisse-le faire, il se débrouille. Si tu fais quelque chose de violent au nom de la conscientisation, au nom du supramental, au nom de l'évolution, au nom d'une purification au nom de Dieu, tu travailles pour Satan. C'est sa job. C'est son travail. C'est ce qu'il fait. Et c'est d'ailleurs pour aider Dieu qui a commis un paquet de bévues qui a emmené l'homme où ce qu'il est. Alors, ce qui fait que, c'est facile à remarquer, quand on s'observe, c'est que si à un moment donné, il y a certains mots qui viennent dans ta tête pour pouvoir exprimer quelque chose de noir, c'est que tu es lentement manipulé par des énergies qui tendent à amener l'individu vers ce que j'appelle une attaque psychique. Puis quand tu es en train de vivre une attaque psychique, tu es possédé. Et quand tu es possédé, ben, c'est pas l'aldol ou les antipsychotiques de la psychologie ou de la psychiatrie conventionnelle qui va t'en sortir. C'est comme s'il y a une dilatation du mental au-delà de ce que la structure peut supporter, finalement, la structure même biologique de la personne. C'est-à-dire que le mental qui évolue devient complètement assujetti à l'astral parce que le mental n'est pas suffisamment évolué, il n'est pas personnalisé, il n'est pas identifié, et le mental, c'est-à-dire que toute l'énergie de l'intellect, énergie qu'on peut ramasser en conférence, par exemple, cette énergie-là tend à aider le mental à se bâtir. Même si elle informe l'astral, elle énergise le mental et elle informe l'astral. Et si l'astral finit par croire que le mental est complètement intégré en elle-même, elle va donc se servir de l'information intellectuelle placée en mémoire pour agir au nom du mental. Mais le mental n'a rien à dire. Exactement comme tu arrives, tu as quelqu'un, tu es dans une tribu et ton chef est mourant. Alors tu vas devant ton Dieu et tu supplies ton Dieu de guérir ton chef. Tu en as besoin. Alors évidemment, tu es égoïste, tu es humain. Et là, Dieu ne guérit pas ton chef. Alors à un moment donné, ben, ton chef est de plus en plus en train de mourir. Alors tu décides qu'on va sacrifier une femme pour le Dieu. Alors, au nom de ce Dieu-là, donc au nom de lui, sans demander son avis, s'il ne te répond pas, tu imagines ses réponses et tu vas faire du chantage. Au lieu de dire, je te sacrifie ça, tu la veux et maintenant tu vas... Non, tu dis, guéris-le, sinon je la tue. C'est ça que tu fais en réalité. Toutes les fois qu'on faisait des offrandes, c'était du chantage envers les énergies supérieures. Mais les énergies supérieures s'en balançaient, sauf si tu voulais sacrifier une race complète. Alors là, les énergies supérieures devaient agir parce que l'individu n'est pas important, mais la race, elle l'est. Alors, ce qui fait qu'au nom du mental, c'est-à-dire que l'astral se dit, tu veux me manipuler, va te tuer. Ça va donner une leçon à tout le monde. Puis c'est intelligent que je le fasse, ça va donner une leçon à tout le monde. C'est l'astral qui parle. L'astral est convaincu que le mental pense ça, mais l'astral n'ira pas demander l'avis au mental. Alors, au nom du mental, on se fout de savoir s'il est d'accord ou non. On est sûr qu'il est d'accord. On fait des actes. Au nom de Dieu, je tue ma femme et mes enfants. Et si je demande à Dieu, pourquoi demander à Dieu? Je le sens, je le sais. Mais c'est ça. Demande-y pas. Demande-y surtout pas. D'un coup, qu'il te dirait que c'est pas ça. Fait que fais-le à la place. Puis après ça, tu iras demander. Dès que tu vas aller chercher les remerciements, tu vas manger des claques derrière la tête parce que Dieu t'a mis en prison. Puis t'es condamné pour meurtre. Bon. Alors, ce qui fait que l'attaque psychique, c'est pas compliqué. Toutes les fois que tu viens pour émettre la colère, et la colère, c'est jamais intelligent. T'as une colère purificatrice, celle qui va avec toi. Mais j'ai jamais de colère purificatrice qui va avec l'extérieur. C'est pas en tapant sur tout le monde, en brisant toutes les chaises, que tu purifies quelque chose. C'est en te maudissant toi d'être comme que t'es, mais sans te culpabiliser. Parce que la colère purificatrice n'a rien à voir avec la culpabilisation qui, elle, est involutrice. Alors, ce qui arrive, c'est que si tu es en colère par rapport à toi-même de ta stupidité, pas de problème, tant que ta colère dure pas plus que quelques millièmes de seconde. Bon. Mais si tu es en colère avec l'extérieur, sois sûr que c'est l'expressivité de ta psychologie conventionnelle, normale, ou d'une psychologie qui agit au nom du mental, donc qui est manipulée par des formes très évoluées de l'astral, donc tu es assujetti à une attaque psychique, qui peut être mineure, mais qui lentement, de révolution en révolution, selon ce que la vie va t'amener, peut t'amener à être drôlement atteint par une attaque psychique, à devenir totalement possédé. Alors, tu es révolté contre le gars qui t'a coupé, t'écrases le champignon, puis tu le recoupes, tu le rentres dans le fossé, puis le gars se tue. T'es condamné pour meurtre au deuxième degré, meurtre sans préméditation, et tu as 25 ans à faire. Toi qui voulais lutter contre la manipulation, quand tu vas sortir de prison, tu vas l'avoir où la manipulation? Tu vas-tu en vouloir à la société qui t'a manipulé pendant 25 ans? Tu es fait. Tu es sujet aux attaques psychiques. Tu es complètement possédé. Tu fais partie des conscientisés qui sont tombés dans du mauvais côté. C'est sûr que si tu fais juste le couper et il ne se passe rien d'autre, ouais, ton attaque psychique était banale. Mais il n'y a rien qui dit que ce que tu fais comme action sous l'impulsion d'une petite attaque psychique mineure ne dégénérera pas en chose hyper monstrueuse. T'es manipulé, puis ils ont mis du parfum dans les rideaux. Pour rire, t'allumes un briquet, puis tu veux faire juste leur faire une peur avec le mot du rideau. 40 morts. À Chapet. C'était pas le cas du bonhomme. Mais si toi, tu aurais voulu te révolter contre la manipulation, puis faire ça, puis il y a 40 morts, t'es-tu manipulé? Vas-tu en vouloir? T'es dangereusement soumis aux attaques psychiques. Terminant, donc, l'homme, en général, ne peut pas savoir au départ jusqu'où ça peut se rendre. Ça. Il faut que c'est amorcé. C'est ça qui est important. C'est que tu ne peux pas savoir. Puis la maudite astrale, à l'intérieur de toi, va te dire, non, fais-le, c'est plus loin que ça, t'es pas fou, tu n'iras pas jusqu'à tuer. Fais-le, ça. C'est pas grave, ça. Il va finir par comprendre. Tu sais, tu agis au nom du mental, fait que les raisons intelligentes pour mal agir, t'en avoir. Surtout si ta conscience, elle est claire. On te le doit. On t'a suffisamment manipulé que maintenant tu peux faire telle chose. Et là, c'est dangereux. Te mettre en colère contre l'extérieur, le moindrement que tu cries et que tu te sers de certains mots, comme manipulation, comme supramental, comme n'importe quoi, tous les mots que j'ai expliqués tout à l'heure, tu es dangereusement soumis à une attaque psychique et tu peux devenir un autre individu qui va finir par être possédé. 1 sur 1000. Et puis quand je dis 1 sur 1000, c'est pour vous rassurer. Donc, Daniel, quand ce processus-là, tu viens de dire que l'individu, plus l'individu a la conscience claire, en tout cas, tout ça, est-ce qu'on peut dire que plus il a la conscience claire, plus il fait une gaffe face à des lois d'impression, tout ça, plus le retour est rapide aussi? Toujours. Mais l'important pour l'individu, vois-tu, c'est que, ça, c'est pas ceux qui se conscientisent ou ceux qui croient se conscientiser. D'ailleurs, c'est surtout ceux qui croient se conscientiser. Ceux qui se conscientisent, ils n'ont pas de problème. Mais pour se conscientiser, tu commences par croire que tu te conscientises. C'est ce qui te fait rester dans le chemin où tu es. Puis à un moment donné, ben, tu débarques complètement, voyant que tu t'en fait avoir. Ben non, tu restes dedans, voyant que ça a bien de l'allure. Puis tu commences à comprendre. C'est avant que tu comprennes réellement. C'est dans le temps que tu penses comprendre que tu peux te faire ramasser. Dans une religion, une secte ou dans l'ésotérisme ou en n'importe quel phénomène, où est-ce que l'individu est là pour essayer d'éliminer ses problèmes, donc de s'améliorer, ou carrément de participer à n'importe quel foutu plan imaginaire ou réel. Alors, ça regarde les individus dans n'importe quel phénomène religieux, social, de groupe, les guerriers roses, ça regarde les militants, ça regarde les partis politiques, ça regarde l'ésotérisme, ça regarde tout ce qui t'amène à vouloir te transformer. Et quand tu milites, tu deviens donc fanatique, là, c'est que tu es déjà aux portes de l'attaque psychique. Jusqu'où elle va te mener? Elle peut te mener juste à une crise de cœur où tu vas mourir parce que tu t'es trop donné pour rien, comme elle peut te mener à massacrer du monde au nom de ça. Si on regarde un individu qui rentre dans un endroit où il y a un parti politique, puis qui tire sur tout le monde du parti, puis tous ceux qui travaillent, qui sont soumis de ça de près à ce parti-là, ben le gars, il est fanatique. Le gars, il s'assujettit à une attaque psychique. Puis c'est un bonhomme ou une bonne femme que normalement, elle ne ferait rien. Mais tout d'un coup, elle prémédite, tout est coordonné, elle est intelligente, elle est normale, elle n'est pas malade, un psychiatre ne verrait rien. Puis même après le massacre, on ne voit pas plus. Puis l'individu est toujours normal. Mais il n'y a rien qui s'est passé, il était assujetti à une attaque psychique. J'ai déjà collectionné, quand j'étais jeune, des articles de journaux, assez amusants. Un policier sort son revolver, tue deux de ses collègues, trois passants et se suicide. Un père de famille tout à fait normal descend 12 personnes dans le bloc appartement et se suicide. Puis ça, j'en avais ramassé une pile en dedans de 3 ans dans les journaux qu'on avait à l'époque, Montréal le Matin, Journal de Montréal, La Presse. Alors, si on fait juste essayer de comprendre ces individus-là avec quoi ils étaient assujettis à des attaques psychiques. Mais c'était des attaques psychiques subites. À un moment donné, c'est passé quelque chose qui les a totalement frustrés, ça en était fait. Tu sais, le gars qui est allé chez McDonald's, là, je me souviens plus en quelle place, je pense en Floride, qui est rentré là, qui a descendu un paquet d'enfants, un paquet de personnes, un bébé d'une chaise roulante, qui a tué un paquet de monde, puis il est bon. Ben, l'individu était il subissait une attaque psychique. Est-ce qu'il voulait se conscientiser ou non? Il était dans une phase où il découvrait justement qu'il n'avait pas raison, qu'il était manipulé. Sa femme lui avait dit qu'elle s'en allait. Elle déménageait. En attendant, ils ont été chez McDonald's pour manger. Le gars, il voulait plus se faire manipuler, c'était fait. Puis c'est un bonhomme qui, 2 heures avant, jamais n'aurait pensé à aller massacrer un paquet de personnes. Bon, alors, vous êtes tous soumis à ça. L'individu qui se conscientise ou non est soumis à ça, et l'individu qui vit, de toute façon, a des problèmes face à la mort, face à la souffrance, face à la perte d'une personne chère. Alors, veux pas, nommez-moi un individu comme tel, ne cherche pas à évoluer, il n'y en a pas. Ils n'en parlent pas. Lui, il veut pas évoluer, il fait partie des Krishna, mais il veut évoluer, justement. Lui, il veut pas évoluer, il chauffe le taxi. Tu sais pas du tout ce qui se passe dans sa tête, puis comment il réagit à tout ce qui se passe en arrière, à tout ce qu'on y compte. Tous les individus sont sujets à ça. Mais les individus qui s'approchent de l'énergie supramentale sont encore plus sujets à ça parce que leur psychologie a plus d'outils pour arriver à s'autodétruire. Mettez-vous en colère contre n'importe quoi, on s'en fout, tant que c'est pas contre moi. Bon. Par contre, si dans votre colère, vous employez des mots ou des énergies ou des formes typiques de vos découvertes dans votre chemin d'évolution, là, vous vous servez de l'évolution du côté obscur, du côté noir. Donc, vous êtes aux portes de l'attaque psychique et lentement, ça peut vous amener ça aux portes de Saint-Jean-de-Dieu, de Louis-Hippolyte Lafontaine. Hypothétiquement, là, l'attaque psychique ne pourrait pas passer à travers un cerveau qui serait vide. Elle va surtout utiliser des cerveaux qui sont où il y a beaucoup de concepts d'emmagasiner dedans, finalement, bien hermétiques. Plus tu as de concepts qui s'autodétruisent parce que tu te conscientises, plus ces concepts-là vont être remplacés par un concept puissant. Et au nom de ce concept-là que tu détermines, que tu décides que c'est le mental... C'est quasiment un agrégat. Bien, c'est un agrégat. Mais tu l'appelles mental. Tu l'appelles Dieu, ou tu l'appelles supramental, ou tu l'appelles n'importe quelle cochonnerie. Et au nom de tout ça, savez-vous au nom de qui vous devez agir? En réalité, vous agissez seulement en votre nom. En réalité. Karmiquement, divinement, évolutivement, vous agissez qu'en votre nom. Jamais au nom de personne. Alors, quand vous agissez au nom de quelque chose d'autre que vous autres, pensez-en maudit. Le gars qui fusille du monde, on lui en donne l'ordre, donc il n'y a aucun problème. C'est pas lui la responsabilité, c'est le commandant. Si vous êtes de ceux qui tenaient un fusil pour fusiller, carbécmer, c'est votre responsabilité. Et c'est en votre nom que vous agissez. Puis l'idée de la manipulation de la collectivité, justement, c'est de faire en sorte que, faites-vous-en pas, j'en prends la responsabilité face à l'homme, pas face aux énergies évolutives. C'est vous autres. Alors agissez en votre nom, bien moins sujet aux attaques psychiques. Moindrement, vous faites quelque chose pour quelque chose d'autre. Pensez-y, Dieu est bien plus capable que vous autres de le faire. On a fini tantôt avec... J'ai fini avec des concepts, là, j'aimerais avoir un autre éclaircissement, Daniel. On a vu que... J'ai l'impression qu'un concept, c'est pas suffisant pour considérer ça comme une attaque psychique, mais s'il y a une fusion de concepts, c'est suffisant pour renverser sur moi puis activer ton système de commentaires jusqu'au point que tu vas faire un acting out. C'est-tu une explication qui expliquerait oui, un peu? C'est que le concept chez l'être humain, l'agglomération d'idées, est pas dangereux. Quand l'être humain finit par attacher une importance exagérée à une agglomération d'idées, donc à un concept, cela devient de la foi. Lorsque l'individu attache une importance exagérée à sa foi, il devient fanatique. Tu peux avoir la foi en Dieu, comme la foi en un parti, comme la foi en une idéologie. Lorsque tu deviens fanatique, tu es facilement manipulable par tout l'égrégore qui est similaire à ton concept ou à ta foi. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, toi, t'attaches une importance exagérée à ta foi, qui, elle, est une importance, une attache importance exagérée, disons, à des concepts, qui sont des agglomérations d'idées. Hein? Ça va loin, ça va creux. Quand tu es rendu à être fanatique, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est que les énergies extérieures de l'astral finissent, ben, te manipulent tout le temps, sont toujours en relation avec toi, vont simplement venir nourrir le concept qui te rend fanatique, ta foi, le nourrir avec les propres idéologies de l'astral. Et toi, tu as toujours comme base dans tes agissements ce concept-là, ta foi, auquel tu attaches de l'importance. Alors, ce qui fait que si c'est Dieu, tu veux tout faire au nom de Dieu, tu es fanatique. Et tu es même prêt à tuer ceux qui sont contre Dieu. Est-ce que c'est un fanatique? Alors, lentement, l'astral vient mettre des petites informations dans ton concept de Dieu. Et toi, tu n'agis que par rapport à ce concept-là. Alors, lentement, ton Dieu est transformé à ton insu par l'astral extérieur. Donc, là, tu as un début d'attaque psychique de l'extérieur, de l'astral extérieur. Et lentement, ton Dieu te donne des ordres que, normalement, à l'origine, il n'aurait pas donné. Parce que ton Dieu est lentement transformé pour devenir un Dieu noir. Et toi, tu vas donc exécuter les ordres de ce Dieu noir-là que tu crois toujours être le Dieu blanc. Que tu as connu et auquel tu t'es attaché jusqu'à devenir fanatique. Alors, l'idée, c'est que si je te dis de tu dois, par exemple, en temps de guerre, je donne un exemple, là, tu dois tuer les ennemis et tu vas te battre et tu tues les ennemis. Si tu reviens et qu'on est en temps de paix depuis 2 jours, quand tu vas voir un ennemi, c'est toujours un ennemi. Tu peux le tuer pareil. Et regarde la majorité de ceux une grande partie de ceux qui reviennent de, soit du Vietnam ou soit ceux qui ont fait la deuxième grande guerre, un grand, grand nombre ont continué par après à se battre. Soit qu'ils se sont engagés dans des troupes de guérilla, soit qu'ils sont restés dans l'armée pour entraîner des nouvelles recrues, donc continuer à garder l'atmosphère du combat. Toujours dans le but de tuer des ennemis. Soit qu'ils sont devenus des criminels ou des justiciers. Alors, en fin de compte, le concept ennemi, lentement, est transformé par l'astral de l'extérieur pour que l'ennemi soit aussi tous ceux qui ont une couleur différente de la tienne. Pour que l'ennemi soit tous ceux qui veulent pas tuer les ennemis. Donc, tu peux les tuer ceux-là avec. Pour que l'ennemi soit tous ceux qui n'arrêtent pas de bouger quand tu donnes une sommation. En fin de compte, tu te sais, pour te rendre compte, c'était des civils de, bon, pas grave, la guerre, c'est la guerre. En fin de compte, tu sais, ton concept d'ennemi finit par être, tu peux tuer n'importe qui. Tu es religieux, tu as un Dieu, Dieu te dit, vends tout ce que tu as, donne-moi-le, puis suis-moi. Alors, tu vends tout ce que tu as, tu le donnes à celui qui t'enguirlandait, puis tu le suis. Tu crois suivre Dieu, qui est un concept de la psychologie astrale, mais disons d'un astral spirituel, donc hautement élevé. Lentement, tu ne fais que suivre lui, et c'est le problème quand un individu ne doute pas, quand un individu remet toute sa confiance en quelque chose, le maudit problème, c'est que quelque chose est périssable. Il n'y a pas une seule affaire dans la tête de l'homme qui n'est pas périssable, qui n'est pas transformable, qui n'est pas changeante. D'ailleurs, c'est le problème de la douleur, de la souffrance et du malheur humain. C'est que l'homme s'attache à quelque chose qui se transforme. Et l'idée qu'il a, lui, ne bouge pas aussi vite, alors ce qui fait que la chose se transforme, t'es malheureux parce qu'elle n'est plus comme tu voulais. T'attachant à un dieu ou à n'importe quelle idéologie, même si elle est bonne dans le départ, si tu ne la remets jamais en question, si tu ne doutes jamais cette idéologie-là ou ce concept-là ou cette vision-là, ben lentement, cette vision-là se transforme. Et toi, tu es toujours assujetti à la vision, à Dieu. Dieu te dit « aime, tu aimes ». Dieu te dit « aime plus, tu aimes plus ». Dieu te dit « aime encore plus, tu aimes encore plus ». Dieu te dit « ceux qui n'aiment pas sont pas corrects ». Alors, aime. Dieu te dit « ceux qui n'aiment pas sont pas corrects, puis aiment encore plus ». Puis Dieu te dit « ceux qui n'aiment pas sont pas corrects, puis reste plus qu'eux autres, puis continue à aimer ». Puis Dieu te dit « ceux qui n'aiment pas sont pas corrects, puis tape dessus, puis prouve-le qu'il faut qu'ils aiment, puis continue à aimer ». Puis Dieu te dit « ceux qui n'aiment pas, tue-les, puis toi continue à aimer ». C'est le même Dieu qui te dit ça. Le Dieu dans l'astral a été lentement transformé à ton insu, puis tu as toujours continué à suivre ce Dieu-là, puis lentement, tu es devenu un gars assujetti à une attaque psychique, tu es complètement manipulé par les forces noires, puis tu deviens un individu qui est un instrument de destruction et d'évolution. Et tu ne l'as jamais su. C'est pas le concept qui est le problème, c'est l'importance que tu attaches à ce foutu concept-là. Puis une religion, c'est un concept, puis Dieu, c'est un concept. Puis l'importance que tu attaches à ça va déterminer ton affinité. Alors quand tu découvres la manipulation, dans disons, l'exemple de ceux qui se conscientisent un peu plus à l'énergie supramentale, à la réalité, quand tu découvres des choses dans le genre, ça devient des concepts tant que tu ne vis pas, tant que chaque cellule de ton corps ne le vit pas, et ce qui est le cas pour les individus. Alors donc c'est un concept qui a une certaine importance et qui peut amener à certains résultats qui sont corrects. Mais si tu attaches une importance à ce concept-là, t'es encore assujetti au même titre que n'importe quel fanatique à être manipulé et à être atteint d'une attaque psychique. Donc, l'importance que t'attaches au concept devient un peu comme un paratonnerre qui t'attire la foudre de l'astral. Tout le temps. Tout le temps. On ne doit pas attacher d'importance à rien, mais on doit être intelligent. Qu'est-ce qui attache de l'importance? Pas l'intelligence. Attacher de l'importance, ça veut dire croire qu'une chose est importante, donc disons croire qu'une chose est vraie, et d'espérer que c'est ça. Alors, c'est important mon verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'il me rassure. Parce qu'il m'amène des choses que je considère comme étant importantes. Je crois que je dois être en sécurité. J'attache de l'importance. L'intelligence n'attache pas d'importance. As-tu besoin d'eau? Oui. As-tu besoin d'eau? Non. Il va y avoir une réaction. Mais toi, tu attaches d'importance à l'eau. Que tu aies soif ou non, tu en conserves de l'eau. Puis que les autres aient soif ou non, tu gardes ton eau. Tu attaches de l'importance à l'eau. Tu attaches de l'importance à ce que les autres n'attachent pas d'importance à l'eau. Au cas qu'un jour tu n'aies plus d'eau, tu aies soif, qu'on t'en donne. Bon. Ça, c'est la psychologie normale de l'homme. La psychologie attache de l'importance. Si j'attache de l'importance à rien, est-ce que ça va vouloir dire que je mange plus? Que je me lave plus? Que mes enfants, ben, c'est plus important. Vos enfants, c'est pas important parce que c'est pas vos enfants, premièrement. Mais être intelligent, c'est ne pas attacher d'importance, c'est de voir l'intelligence d'une action. Alors, je continue donc à manger. Parce que je sais que c'est important pour mon corps physique que je mange. C'est pas important la psychologie. La psychologie, elle mange pas le steak, elle mange pas la tarte au sucre avec la crème glacée puis chauffée, là, tu sais. Elle mange pas ça, ma psychologie. Mais c'est elle qui la commande au restaurant. Ma psychologie. Même si c'est pas elle qui la mange, la tarte au sucre. Pour elle, c'est important. Le stimuli gustatif. Mais pas dans une réalité intelligente, c'est pas important. L'intelligence va déterminer les choses bonnes pour ton corps physique qui sont importantes en ce sens que si ton corps physique ne les a pas, il meurt. Ta psychologie, si elle ne l'a pas, elle ne meurt pas. Elle est brimée. Et étant brimée, elle attache de l'importance au fait de l'avoir. Bon, l'intelligence n'attache pas d'importance. La psychologie attache de l'importance. C'est important d'être bien habillé, c'est important ce que le monde pense de nous autres, c'est important ce que Dieu pense de moi. Puis tu regarderas ce que Dieu pense de toi, c'est ce que tu veux bien penser de toi, et tu décides que c'est Dieu qui le pense pour toi. Mais en réalité, Dieu, tu t'en balances, c'est toi qui le décides. Alors, si Dieu te dit « je t'aime », toi, tu dis « non, tu peux pas m'aimer, tout ce que j'ai fait, tu peux pas m'aimer. Bon, Dieu m'aime pas. » Alors, si Dieu m'aime pas, tu vas à la confesse pour que Dieu t'aime. Mais c'est tout toi qui détermine. Jamais Dieu. Tu veux rien savoir de lui. Tu veux simplement qu'il exécute ce que tu as à faire, ce que tu penses, ce que tu veux qu'il fasse. L'important, si t'en as dans rien, tu deviens plus efficace. Pas si t'attaches de l'importance à ce qu'il n'y ait plus d'importance. Si t'attaches de l'importance à ce qu'il n'y ait plus d'importance, ça reste psychologique, c'est pas intelligent. Là, tu mangeras plus. Là, tu t'habilleras plus. Là, tu te laveras plus. Là, tu vas laisser tomber ta famille ou tes enfants. Là, tu vas tout laisser tomber. C'est plus important. Et tu deviens encore une fois sujet aux attaques psychiques. Parce que c'est plus important, mais à un moment donné, tu vas maudire ton corps parce qu'il a besoin de repos puis il a besoin de nourriture. C'est pas important, mais à un moment donné, tu vas maudire tous ceux qui trouvent que tu peux. Puis c'est jamais important, mais tu vas maudire le gouvernement qui te donne pas plus que 200$ par mois pour vivre. Puis même si c'est pas important, tu vas maudire tout le monde parce qu'en fin de compte, c'est important, mais tu refuses de voir l'importance de la chose, ce qui fait que tu te révoltes encore puis tu t'en vas encore vers l'attaque psychique. Alors, ça revient toujours aux mêmes choses. Si tu as à te révolter, révolte-toi sur ce qu'il faut te révolter, pas sur l'extérieur. L'extérieur n'a rien à faire avec ton involution. C'est pas parce que d'un verre d'eau pure, d'un verre d'eau sale, tu prends le verre d'eau sale que tu dois maudire l'eau sale. Le verre d'eau pure, il est là. C'est pas à faute à l'eau sale si tu prends l'eau sale. Son but n'est pas d'être ingurgité par toi puis de t'empoisonner. Mais toi, tu as choisi celle-là. Alors, de vouloir détruire toutes les eaux sales sur la Terre, même les eaux sales qui servent à nourrir des oiseaux, à nourrir des poissons, ben, c'est d'aller encore avec les forces du mal. Pas que les forces du bien partout. Ok, on passe une question ici. C'est un petit peu, j'ai de la misère à lire le début. En tout cas, quelqu'un qui subit une attaque psychique, d'où vient cette attaque? Bon, l'attaque psychique vient toujours de l'extérieur de l'homme, elle vient toujours d'un égrégore, d'un astral planétaire ou sociétaire. Lorsqu'un individu pense à quelque chose, cela est enregistré dans l'astral, c'est-à-dire que toute la matière enregistre, l'air enregistre, ou même toute une cassette. Et plus il y a d'individus qui pensent à des choses similaires, plus les vibrations des choses enregistrées vont s'agglomérer ensemble par affinité vibratoire, par amour. Tout ce qui est semblable s'attire. Et après quelques millions d'années, ou après quelques millions d'individus, ça crée une espèce d'égrégore monstrueusement grand, très puissant, qui se promène au gré du vent. Il y a des vents astraux, il y a des vents qui sont planétaires, qui sont matériels, l'air. L'astral se promène aussi selon le vent, l'air. Quelqu'un qui reste dans un courant d'air où il y a une bataille va subir les attaques de l'astral de cette bataille. Quelqu'un qui reste en ligne avec les courants qui montent du sud l'hiver de l'île de Montréal vont subir des retombées karmiques de l'île de Montréal. Le vent transporte l'astral. L'idée, l'égrégore conçu par les individus qui pensent à la même chose, se promène. Il vient un moment donné où un individu quelque part sur la Terre pense la même chose. Et en pensant la même chose, il crée, comme tout à l'heure tu disais, une espèce de paratonnerre ou une antenne qui fait qu'en vibration, il attire à lui l'égrégore. Plus il y croit, plus il y pense, plus il devient fanatique, plus il va attirer de l'égrégore. Ou plus il va attirer le gros égrégore, au lieu d'attirer juste des parcelles de l'égrégore. C'est d'ailleurs pourquoi le Nazaréen a dit que là où deux ou plusieurs d'entre vous se réuniraient, je serai parmi eux. La mémoire du passage de Jésus de Nazareth, ou de Jésus le Nazaréen pour être plus précis, va être attirée par un individu ou une collectivité d'individus qui vont penser, qui vont augmenter leur taux vibratoire de façon à attirer l'égrégore du Nazaréen, qui, elle, est bonne. Alors donc, l'égrégore du Nazaréen venant donc à travers tout le monde, le Nazaréen, pas en réalité comme il est rendu présentement, en réalité comme il était il y a 2000 ans, se trouve à être présent chez les individus, à la condition que les individus vibrent une énergie similaire au Nazaréen. Pas l'individu qui est totalement égoïste, comme la majorité des réunions de sous-sol d'église, où tout le monde va là pour leur chapeau, puis tout le monde se parle l'un dans l'autre, tant l'autre n'est pas là. J'ai déjà été voir ce que ça donnait les liturgies dans une église pendant quelques mois pour me rendre compte qu'effectivement tout le monde saillit, tout le monde se parle l'un contre l'autre, puis tout le monde essaie d'organiser la messe pour les fidèles. Là, le Nazaréen, l'égrégore ne vient pas. L'individu qui inconsciemment pense à quelque chose, que ce soit au Nazaréen ou à n'importe quelle autre foutue affaire, il attire à lui une parcelle de l'égrégore. Si le vent amène l'égrégore dans sa région et que l'individu est dans un état à le recevoir, alors automatiquement, l'énergie de l'égrégore vient. On peut entourer l'individu, et si l'individu est pas assez fort, donc l'individu Qu'est-ce qu'un individu qui est pas assez fort? Il y a deux ordres. Un individu qui est totalement sûr de lui et totalement faible peut se faire avancer par n'importe quoi. Et un individu qui n'est assujetti qu'à sa psychologie, qui n'a même pas d'identité mentale, qui commence à vivre en lui. Au Québec, les entités mentales sont suffisamment puissantes. L'individu qui est sûr de lui, c'est un individu qui est presque perdu. Alors toi, t'es sûr de toi, t'es sûr que c'est bon. L'égrégore qui vient te ramasser, c'est-à-dire qui vient autour de toi parce que tu l'appelles, cet égrégore-là pénètre en toi, et comme tu es sûr que tes concepts sont bons, l'égrégore transforme le concept, étant sûr que le concept est bon, ne voyant pas sa transformation, vous êtes automatiquement un instrument de l'égrégore. Alors, qu'est-ce qui manipule, qu'est-ce que l'attaque psychique? L'individu qui, à un moment donné, est intelligent, il comprend certaines choses, et il commence à servir son mental et ses connaissances pour pouvoir exprimer sa psychologie astrale. Comme tout à l'heure, on expliquait, tu te mets en colère en te servant de certains mots. Moi, je suis contacté, puis c'est pas un stupide dans ton genre, ou même si tu le penses dans ta tête, c'est pas un stupide dans son genre qui va venir me décider ce que j'ai à faire, comme manipuler. Oh ben là, moi, l'astral, là, il est sous mon dos, puis là, il va finir par s'en aller. C'est un paquet de choses dans le genre qui, comme tel, ne mènent à rien. Ces choses-là font que tu exprimes une forme de vibration. Et cette forme de vibration-là, elle est noire. Et elle attire donc un astral extrêmement subtil, un astral supramental ou mental, dépendant de l'état d'évolution de l'individu, qui vient lentement transformer ces choses à lui parce qu'il est en relation directe avec, parce qu'il émet des formes d'énergie similaires, et entre énergies pareilles, les communications télépathiques ou astrales se font très bien. Mais à l'insu de l'individu. Alors lentement, l'individu devient une espèce d'objet au sein d'un immense égrégore construit par un million d'individus qui n'ont pas compris, et l'individu finit par agir selon les lois mêmes de l'astral, donc comme un frein pour empêcher la destruction ou la purification de l'astral. Autrement dit, c'est un frein à l'évolution. Alors, l'attaque psychique banale, celle qui vient de temps en temps, vient toujours d'une forme pensée égrégorienne extérieure qui est attirée par ton attitude. Et ton attitude détermine évidemment, ton expressivité, et l'expressivité est enregistrée dans ta mémoire propre, donc elle émet des vibrations qui continuent à attirer les égrégores, donc lentement, tu t'en vas lentement justement vers une attaque psychique, qui peut être localisée de courte durée ou qui peut être extrêmement longue. Alors, l'attaque psychique vient toujours de l'extérieur, mais évidemment, l'individu se met en relation avec un égrégore noir qui peut lui permettre d'être attaqué. Autrement dit, l'individu détermine lui-même qu'il sera attaqué. Et c'est pourquoi je vous en parle. C'est pas que vous allez empêcher un égrégore de venir vous posséder. C'est juste que si vous ne l'attirez pas, il ne vient pas. Et si vous l'attirez, il vient, que vous le vouliez ou non. Quelqu'un qui attire Satan se disant qu'une fois Satan, une fois que Satan sera là, j'aurai juste à lui remettre un gâteau au chocolat puis il s'en ira. Non, si Satan se déplace pour vous, il s'attend à trouver des choses. Il va se passer de quoi? À moins que vous soyez ce que vous n'êtes pas. Alors, automatiquement, l'individu qui émet donc des pensées, consciemment ou inconsciemment, émet des formes d'énergie qui amènent à lui des énergies similaires. L'attaque vient de là. Quel moyen prendre pour venir en aide à une personne qui commence à avoir des attaques psychiques? Premièrement, le premier moyen, c'est de bien comprendre conscience que ça ne nous regarde pas. On n'a pas personne à sauver et on ne doit pas nous-mêmes tomber dans un plan d'attaque. Ce que je pourrais dire, la meilleure chose à faire pour un individu, c'est évidemment au mental de celui qui pose la question ou de ceux qui pourraient se le poser, de déterminer les possibilités de compréhension de l'individu. Mais une chose qui est sûre, c'est que si vous connaissez l'individu, il n'y a à peu près rien à faire. Alors, dans ce temps-là, vous lui faites prendre connaissance de ce qui a déjà été écrit ou dit sur les attaques psychiques. Et puis, c'est à lui de se démerder. Il n'y a rien à faire. L'individu qui, prenons un exemple, l'individu qui a raison et qui veut convertir la Terre, ben c'est pas toi qui as tort qui va venir lui expliquer qu'il a tort. Tu as tort par rapport à lui, lui il a raison. Et si tu veux lui expliquer quoi que ce soit, et surtout les individus qui se connaissent, plus l'être humain connaît, se connaît, moins il peut communiquer. C'est d'ailleurs pourquoi souvent moi je refuse de rencontrer des individus en particulier, parce que si je les rencontre en particulier, non seulement ils ne peuvent pas comprendre, ou ils croient comprendre, mais après, en conférence, ils ne peuvent plus rien comprendre. Et en particulier non plus. Plus l'être humain se connaît, moins il est soumis à s'aider, et moins il peut s'entraider, moins il peut s'expliquer des choses. C'est extrêmement compliqué, parce que les êtres humains qui se connaissent connaissent les failles l'un de l'autre et l'orgueil que chaque être humain a en lui s'arrange toujours pour s'excuser par rapport à ce que l'autre a comme détresse, comme faille. Alors, si tu viens me voir, tu veux m'expliquer que moi, je fais quelque chose de pas correct, et moi, je vais te répondre que, premièrement, toi, t'es pas bébé mieux que moi. Ou encore, je vais simplement dire, ah oui, mais il est pas aussi haut que je pensais, parce que quand j'ai touché la main, j'ai pas été électrocuté. Alors, ce qui fait que, qu'est-ce que j'ai à recevoir de lui? Bon, alors, moins on se connaît, mieux c'est. Un individu que vous connaissez, soit vous lui passez une cassette de la conférence de ce soir, s'il est dans un état où il pourrait peut-être avoir une idée qu'une attaque psychique, ça existe. Ou encore, pas grand-chose à faire, absolument rien à faire. L'important, c'est que vous ne vous embarquez pas dans des phénomènes vous amenant à être sujet à une attaque psychique. Et le fait de vouloir aider un individu qui est soumis à une attaque psychique peut facilement vous envoyer dans un état qui pourrait, là aussi, vous admettre dans le clan des attaqués. Et ça, c'est très subtil à percevoir, très subtil à comprendre. Il y a certains individus qui ont la parole. Ils ont la parole pendant un certain temps parce qu'ils ont ou ils sont obligés de communiquer. Donc, ils ont donc la possibilité de transmettre et d'aider. Les autres individus n'ont que comme fonction le fait de s'aider eux-mêmes, surtout. Vous allez vous entraider lorsque vos énergies vont être résonantes ou vous allez pouvoir communiquer l'un envers l'autre d'une façon intelligente. Mais vous ne pouvez à peu près pas rien faire pour un individu qui n'a pas des énergies en résonance avec les vôtres. Vous rabaissez à se mettre en résonance avec les siennes, ce ne sera pas l'aider, ce sera risquer d'être assujetti aux siennes. Je veux t'expliquer quelque chose. Je veux t'expliquer que tu fais quelque chose de pas correct. Tu comprends pas. Au bout d'une heure, je t'en bourre. Ce que vous savez. Grosse colère. Je te traite d'un paquet de bêtises. Tu comprends rien. Tu veux rien savoir. Puis tout ce que je voulais pas dire, ben là, je le dis. Alors, je me suis rabaissé au niveau de l'autre. Puis je me suis fait enguirlander par les énergies du niveau de l'autre. Pas de l'autre, mais les énergies grégoriennes qu'il manipule, je me mets à son niveau, me fais ramasser par ça aussi. Il n'y a pas beaucoup d'individus qui peuvent se rabaisser sans rien risquer. Et les quelques individus qui peuvent le faire en se rabaissant augmentent le niveau de l'autre. Il n'y en a pas beaucoup, et les individus de la masse ne sont pas de ceux-là. Occupez-vous de vous. Et si tout le monde fait ça, il n'y a personne qui va pouvoir être assujetti à des attaques psychiques. Les énergies égrégoriennes de la collectivité vont être trop hautes. Évidemment, je le dis pour rien, parce que le monde s'occupe quand même des bébelles des autres. Le monde prend plaisir à s'occuper des affaires des autres, parce qu'en s'occupant des affaires des autres, ils peuvent se donner l'impression qu'ils comprennent. J'arrive à t'expliquer ton problème. Donc, je sais que je suis évolué et j'ai une impression, même si je ne me le dis pas en parole, ça flatte mon ego, qui, évidemment, se rend compte qu'il est évolué, qu'il comprend. Alors, automatiquement, je veux faire des conférences, même si je n'ai pas de job, j'ai pas de mission à faire ou j'ai aucune utilité à faire des conférences. Je veux parler, je veux faire des consultations ou, banalement, je veux simplement aider d'autres individus. Ça flatte mon ego parce que ça me permet de voir que j'apprends. Puis vous remarquerez que tous les individus, mais même vous autres, regardez donc les conseils que vous donnez, puis regardez bien que quand vous êtes mal pris, comme les individus qui sont venus vous voir à l'époque où vous leur avez donné ces conseils-là, bien si ces maudits individus-là reviennent vous voir puis vous redonnent les conseils que vous leur avez donnés, vous allez voir que c'est frustrant, maudit, puis que c'est pas pareil, c'est pas le même cas, puis tu comprends pas, puis bref, ça sert à rien. Parce que les conseils qu'on donne, on peut pas rien faire avec, sauf flatter notre ego avec. Alors, ce qui fait que occupez-vous donc de vous autres beaucoup plus que d'essayer de vous occuper des autres. Et l'individu qui est en début d'attaque psychique, achetez un livre sur les attaques psychiques, faites-lui le lire, achetez-lui la conférence. S'il n'écoute pas, ça change rien. Vous autres, occupez-vous de vos pénates, puis faites attention en maudit en voulant aider quelqu'un pour pas vous ramasser dans son jeu. Les professeurs qui veulent expliquer à un étudiant qui devrait plus se battre avec ses camarades, si l'étudiant comprend pas, le professeur, il tire en maudit, hein? Il fait ce que l'étudiant fait, hein? Les parents qui veulent faire comprendre de quoi aux têtes de nilotte que sont leurs enfants, quand ça marche pas, les parents deviennent les enfants, puis ils crient en maudit. Regardez bien ce que ça donne, puis vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus d'intérêt à augmenter votre taux vibratoire pour que lentement, Par résultat, pas parce que vous le recherchez, par résultat obligatoire que ça augmente celui de l'autre, que d'essayer d'aller lui parler, vous autres, pour le faire augmenter le sien. Ça marchera pas. Pour qu'il vous comprenne, vous allez devoir descendre. Deux descendus en bas, vous pouvez plus parler comme vous voulez. C'est rendu en bas. Ne pouvant plus parler comme vous voulez, vous augmentez pas les siennes, et vous vous faites embarquer par les siennes. Alors, je répète ce processus bien important à saisir. Si vous le saisissez pas, vous ferez ce que vous voudrez. Je vous demande pas de me croire. Je vous demande de comprendre ceux qui peuvent comprendre, sinon expérimenter. Vous allez simplement finir à la longue par comprendre, j'imagine. Mais moi, je veux t'expliquer quelque chose. Je suis calme. Toi, tu es un pétard de mer. Tu es en train d'arracher tous les rideaux dans la maison. Tu cries parce que t'as encore une contravention sur ton char. Alors moi, je veux t'expliquer calmement que tu devrais pas, parce que ça fait 15 contraventions ce mois-ci. Tu sais que tu devrais pas le mettre là. Puis là, tu repars que c'est des esthétiques, puis on va être dehors, puis c'est des chiens, puis patati patata, puis que bon. Là, j'essaye encore. Puis à un moment donné, ben pour que tu comprennes, je dois rabaisser mon taux vibratoire pour me mettre à ton niveau. Dans mon taux vibratoire, j'ai tout ce qu'il faut pour lui expliquer. J'abaisse mon taux pour qu'il comprenne, puis quand je suis rendu au même niveau que lui, j'ai plus les mots pour y expliquer. Fait que je peux pas l'aider. Et là, je peux me faire ramasser en tabarouette par la même énergie que lui. Fait que là, m'en finir par l'engueuler, que c'est un mot du niaiseux, qui veut rien comprendre, puis c'est bien beau, il y a rien qu'à payer ses contraventions. Bon. Mais j'ai pas pu lui expliquer, parce que j'ai rabaissé mes vibrations pour être en résonance avec toi, et toute l'énergie que j'avais pour te faire comprendre, je l'ai plus. Il y a quelques rares individus, ceux-là, sont obligés de parler ou d'agir dans le public. Bien important. Alors, pensez-vous pas comme ça, qui peuvent baisser leur taux vibratoire au niveau de la communication sans le baisser au niveau de leur état. Et ceux-là vont donc être capables, par l'énergie de leur état, de monter l'autre et par l'énergie résonante de la parole, de pouvoir faire comprendre l'autre. Mais l'autre ne peut comprendre s'il n'a pas la vibration de comprendre, et la vibration de comprendre vient de l'individu qui est en vibration. Et vous autres, vous baissez votre vibration pour communiquer, il ne peut pas comprendre, il ne peut qu'entendre. Et si vous gardez votre vibration et votre communication se met à son niveau, il entend et la vibration fait qu'il comprend. Donc, il augmente son taux vibratoire. Alors, ce qui fait, qu'occupez-vous donc de vos oignons. L'oignon fait la force. Mais occupez-vous de vos oignons. J'ai déjà été dans un groupe spirituel et j'ai eu de la difficulté à m'en sortir. On me disait que si j'en sortais de ce groupe, je deviendrais légume. Bref, après, j'en suis sorti avec l'aide de rêve, une personne qui m'a aidé à interpréter mes rêves. Cela a été très pénible, mais heureuse d'en être sortie. Est-ce que j'ai subi une attaque psychique à ce moment-là? Bon, non. Vous étiez manipulé par l'astral de la secte ou de l'école spirituelle, manipulé aussi par l'astral collectif qui pousse les individus à avoir peur et à rechercher la sécurité dans des compréhensions ou dans des délectations spirituelles ou ésotériques. Donc, associé à l'astral collectif normal. Avoir voulu être fanatique, à moins évidemment qu'à un moment donné, vous avez été fanatique, là, vous étiez en train de subir une attaque psychique qui aurait pu dégénérer en immense conflit, dépendant si vous êtes devenu fanatique ou non. Le fait d'avoir eu de la difficulté à s'en sortir, non, ça change absolument rien. C'est encore une étape normale de l'astral qui veut pas sortir parce qu'il a peur, parce qu'il est culpabilisé. D'ailleurs, tous les phénomènes psychologiques mettent des menaces. Hein? Alors, si tu ne fais pas comme on veut, tu vas aller en enfer. Le petit Jésus va être malheureux. On donne ça aux enfants. Tu vas devenir un légume. De toute façon, dans l'évolution, si vous devenez un légume, soyez content. Le végétarisme, c'est ce qu'il y a de mieux. Et plus on se rapproche des légumes, mieux c'est. Mais disons qu'on peut en rire maintenant. Mais c'est sûr que si vous avez peur de devenir une espèce d'imbécile, une lavette, un légume dans le sens psychologique humain, c'est extrêmement pénible et compliqué pour l'individu de pouvoir s'en sortir. Le danger, ce n'est pas à l'intérieur de ça tellement. Une fois qu'on en est sorti de cette secte ou de cette chose spirituelle, est-ce qu'on se met en branle pour détruire tout ce qui est spirituel dans le genre? Là, on est en train d'être manipulé par une attaque psychique. Est-ce qu'on se met en branle pour convaincre tous ceux qui sont dans des choses similaires de débarquer de là que c'est pas bon? Mais je parle pas juste parler, faire des conférences, je parle d'obliger les autres de comprendre. Mais là, on n'est pas encore assujetti à une attaque psychique. C'est surtout là qu'est le danger. Le fait d'être dans une secte ou d'être dans n'importe quoi, c'est pas mauvais. C'est une étape qui paraît un frein pour ceux qui découvrent comment ils ont été stagnants dans cette étape-là. Mais ils ne se rendent pas compte non plus que cette stagnation a été le tremplin. Ne comprenant pas le fait, justement, que ce qui t'a ralenti a été le tremplin pour t'envoyer dans un état de compréhension, tu veux détruire le tremplin. Et voulant détruire le tremplin, tu fais partie des phénomènes d'involution, car tu empêches tous ceux qui sont dessus de pouvoir comprendre et tu empêches tous ceux qui sont en dessous de pouvoir y accéder. Et là, tu es assujetti aux attaques psychiques. Attaque psychique, c'est toujours lorsqu'un individu veut détruire le manipulateur, sans comprendre que le manipulateur ne défait sur lui que ce que lui accepte du manipulateur. Si je vous dis « levez-vous », puis vous décidez de rester assis, vous n'êtes pas manipulé. Si je vous dis « levez-vous », vous décidez de rester assis pour ne pas être manipulé, vous êtes manipulé. Et si je dis « levez-vous » et vous vous levez, vous êtes manipulé. Si je dis « levez-vous » puis ça vous tente de vous lever, mais pas parce que je l'ai dit, ou pour un paquet de raisons, vous n'êtes pas manipulé. Alors, ce qui fait que réellement, c'est pas dans votre expressivité par rapport à l'extérieur ou à une photographie qu'on voit un individu manipulé ou non. C'est parce qu'il se passe en dedans. Comme tout à l'heure, j'expliquais, tu m'engueules pour aller chercher l'épicerie, si c'est intelligent d'y aller, j'y vais, je suis pas manipulé. Si c'est stupide d'y aller, j'y vais pas, je suis pas manipulé non plus. Si je vais pas parce que je veux pas être manipulé, je suis manipulé. Si je vais parce que tu cries, je suis manipulé. L'attaque psychique, elle vient toujours lorsqu'un individu veut se révolter, se rébeller contre le manipulateur extérieur et non pas contre les choses en lui qui le mettent en relation avec le manipulateur. Le professeur vous manipule si vous êtes à l'école. Comment peut-on entrer en contact avec l'ajusteur psychologique? Tous les individus sont en contact avec l'ajusteur psychologique, qui peut être appelé ange gardien, disons dans la religion conventionnelle. Maintenant, on a différentes phases d'ajusteur psychologique, donc différents anges gardiens ou différents ajusteurs psychologiques. Entrer en contact avec, ça veut simplement dire, pour le meilleur moyen, évidemment, d'entrer en contact avec, c'est l'observation psychologique, c'est-à-dire que vous vivez quelque chose et vous cessez de vouloir l'exprimer, vous ne faites qu'observer ce qui s'exprime en vous. Ça, on l'a expliqué lors de peut-être 15 ou 20 ou 30 ou 40 conférences antérieures. Alors, je ne vais pas trop y revenir dessus. Maintenant, l'ajusteur psychologique, c'est assez simple. Vous voulez faire quelque chose et vous essayez de... disons, d'intellectualiser ou encore de donner une raison à votre acte. Si vous essayez de donner une raison à un acte psychologique, est-ce que je dois lui donner un cadeau? Est-ce que je dois me mettre en colère? C'est-à-dire que vous venez pour vous mettre en colère, puis là, il y a quelque chose qui se passe en vous, ou c'est que vous vous êtes sur un pivot. Colère, pas colère. Vous êtes en contact avec votre ajusteur psychologique. Maintenant, là, disons, la pratique de la communication avec l'ajusteur psychologique fait qu'à un moment donné, vous êtes en colère, et lui vous met en relation avec votre mental qui vous permet une observation et la colère disparaît. C'est encore, on l'a vu souvent. Alors, ce qui fait que l'ajusteur psychologique, c'est quelque chose qui est continuellement en contact avec votre propre psyché, avec votre psychologie. L'ajusteur psychologique, c'est simplement une forme d'énergie qui est née, qui est générée par l'astral mental et le mental astral. Autrement dit, par le mental coloré par la psychologie, le mental qui dit « oui, c'est bon » et qui est coloré par l'astral qui dit « oui, mais j'aime pas ça », je suis là, fait partie de l'ajusteur psychologique et lui peut, à un moment donné, vous mettre en relation directe avec votre mental qui va trancher « t'aimes pas ça, mais c'est bon, fait que tu le fais ». Alors ça, c'est votre ajusteur psychologique que plusieurs individus, des fois, vont prendre pour l'ajusteur de pensée, mais l'ajusteur de pensée a une autre fonction. Donc, c'est beaucoup plus évolutif qu'expressif. L'ajusteur psychologique, elle a une fonction beaucoup plus expressive qu'évolutive, c'est-à-dire qu'elle est évolutive, ça va de soi, mais c'est surtout, elle va surtout raisonner l'expressivité, c'est-à-dire ce que tu vas faire dans l'action, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire comme événement, comme action. Bon. Alors, l'ajusteur psychologique, il existe, tout le monde l'a. C'est votre conscience, disons, psychologique, qui pourrait être partagée entre le Satan, le petit démon rouge avec la fourche, et puis le petit ange de l'autre côté qui vient essayer de peser le pour et le contre. Donc, là, on prend des exemples religieux, mais l'ajusteur psychologique a toujours été l'apanage de l'homme depuis que l'homme a essayé de, depuis que l'homme psychologique a essayé de connaître, c'est-à-dire, disons, depuis la deuxième décadence humaine lors de avec la race adamique, là, ce qu'on appelle Adam et Ève dans la Bible. L'homme a toujours eu un ajusteur psychologique, mais pas l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est arrivé après le passage du Nazaréen. Alors, ce qui fait que toutes les fois que vous avez un doute en vous, et le doute, cultiver le doute, c'est cultiver la relation avec l'ajusteur psychologique. Et ça, c'est important. Toutes les fois que vous avez un doute en vous, vous êtes immédiatement en relation avec votre ajusteur psychologique. Et lui va essayer de vous mettre la psychologie, l'homme psychologique, la psyché de l'homme, donc l'astral de l'homme. L'ajusteur psychologique va essayer de le mettre en relation avec le mental, votre intellect, qui lui va décider ce qui est bon ou pas bon. Et après ça, évidemment, il ne restera, il ne dépendra que de l'homme psychologique qui est vous, de déterminer s'il écoute sa propre psychologie ou s'il écoute l'intelligence du mental. Alors, je viens pour frapper mon enfant parce qu'il a eu seulement 80 en moyenne générale dans son bulletin, sachant très bien que moi, j'avais 45 ou 50. Mais vu que depuis qu'il va à l'école, je lui dis que moi, j'avais des bulletins, j'étais premier de classe tout le temps, je finis par croire ça. Alors, ce qui fait par rapport au fait que j'étais toujours premier de classe, lui, est un pied. Et je viens pour le frapper, puis en même temps, ben, il y a quelque chose qui me dit, « Ouais, mais t'étais premier de classe dans ceux qui étaient en arrière. » Puis là, tu hésites. Tu es en relation avec ton ajusteur psychologique qui lui te met en relation avec ton mental. Et si tu écoutes, tu laisses le temps, tu vas avoir une réponse. Et après ça, ce sera à l'homme psychologique, parce que l'homme n'est pas encore mental, à l'homme psychologique de déterminer, bon, OK, c'est vrai, ça a bien de l'allure, je peux pas vous taper, je te reviens. L'orgueil vient énormément nuire à la relation entre l'ajusteur psychologique, évidemment, et l'homme psychologique. Parce que si tu es en train de venir pour frapper, puis d'un coup tu changes d'idée, ben tu perds la face. Alors l'orgueil vient extrêmement nuire à la relation. Douter, c'est extrêmement salutaire. Douter, ce n'est pas renier quelque chose, c'est simplement le mettre en veilleuse pour l'observer. Douter continuellement, ça veut dire être en relation avec l'ajusteur psychologique continuellement. Puis ce que je viens de dire là, ça peut être faux. Fait qu'il faut douter. Quelle différence y a-t-il entre l'ajusteur de pensée qui censure les attaques psychiques et notre guide spirituel qui nous aide à garder le juste milieu dans tous les événements de notre vie? Bon, l'ajusteur de pensée, comme je viens de le dire, ne censure pas les attaques psychiques, c'est surtout, c'est-à-dire qu'il a un rôle à jouer chez un individu qui est suffisamment évolué. Mais l'ajusteur de pensée qui est en relation avec ceux qui seraient en relation avec un ajusteur de pensée est un ajusteur de pensée collectif et non pas un ajusteur de pensée personnalisé. L'attaque psychique elle-même ne peut être, surtout, elle ne peut être contrôlée que par l'ajusteur psychologique, surtout. Pourquoi? Parce que l'ajusteur psychologique, avant de vous faire exprimer quelque chose qui va être enregistré par l'astral, donc qui va finir par ternir vos vibrations, pour attirer un égrégore similaire à vos vibrations décadentes, l'ajusteur psychologique va déterminer votre expressivité. Si votre ego, si votre orgueil le laisse parler et accrédite l'énergie de l'intelligence du mental. Le guide spirituel, c'est un autre handicap pour l'homme. Le guide spirituel, s'il veut dire l'ajusteur psychologique, il n'y a pas de problème. Si le guide spirituel est de toute façon en donnant un nom comme guide spirituel, on personnalise trop souvent des énergies qui ne sont pas personnalisées, donc qui ne sont pas une entité, et on lui donne une forme, donc on le crée dans l'astral, ce qui devient un être qui peut nous avoir royalement au détour du chemin à un moment donné. Alors le guide spirituel, qu'est-ce qu'on entend par guide spirituel? Si c'est une mémoire d'un être humain qui a vécu et qui est encore dans l'astral hautement spirituel et qui est en affinité avec vos vibrations, alors doutez énormément de tout ce qu'il va dire. Et encore là, le guide spirituel doit faire partie du même contingent psychologique que toutes vos maudites mémoires astrales qui peuvent venir vous nuire. Autrement dit, le guide vous dit « fais quelque chose », l'ajusteur psychologique va te mettre en contact avec l'énergie mentale où tu vas vérifier si ce que le guide spirituel te demande, ça a de l'allure ou non. Même si c'est n'importe quel foutu guide spirituel le plus hautement coté par la population, hein, on regarde certains livres bleus qui se vendent sur le marché ou ce qu'il y a une panoplie de guides spirituels, ou on regarde différents mouvements ésotériques au Québec qui s'approprient les mêmes guides spirituels. Et ces guides-là ont donc un égrégore construit dans l'astral par une collectivité qui croit à ces guides-là, et le guide avec lequel vous allez parler peut vous aider énormément jusqu'au jour où il peut vous tuer. Et il n'y a aucun guide intelligent de toute façon qui n'aura pas comme mission le fait de vous aider jusqu'à temps qu'il va vous nuire. Parce que si il vous aide, il devra vous nuire. Très ésotérique, très facilement compréhensible. Je t'aide. À un moment donné, je t'annonce, je vais voir s'il est stupide ou bien non, s'il a compris. Fait que là, je te nuis, ça marche pas. Il a compris, il est intelligent. Je te nuis, ça marche. Parfait. Moi, je m'en vais. Puis toutes les cochonneries astrales, ils vont venir continuer par faire le job, puis ils vont tenir jusqu'en bas. Les guides spirituels, là, trustez-les pas. L'énergie supramentale non plus d'ailleurs. L'homme, c'est lui, puis c'est lui déterminé. L'homme mental. Alors, le guide spirituel qui nous aide à garder le juste milieu. Bien, le juste milieu, sachez bien que le juste milieu, c'est un phénomène typique de la psychologie de l'homme. L'énergie mentale n'admet pas de juste milieu. Il y a ou il n'y a pas. Tu essaies ou tu n'essaies pas. C'est bon ou c'est mauvais. Il n'y a pas de juste milieu. La voie du juste milieu que Gautama, Bouddha, enseignait, s'adressait à des individus qui avaient une étape psychologique d'un certain niveau et qui n'avaient presque pas de faculté mentale. Ne croyez pas que la voie du juste milieu s'adresse aux hommes d'aujourd'hui. Ah non, absolument pas. Elle a permis à des êtres humains de se construire pour pouvoir avoir une descendance qui est la vôtre. Alors, partez pas au même départ qu'eux autres pour essayer d'évoluer plus qu'eux autres. Partez en haut. La voie du juste milieu, c'est bon pour la psychologie de l'homme. Et le guide qui nous amène à la voie du juste milieu, raison de plus pour pas le truster. La diplomatie, c'est une chose qui est permise par le mental et par l'astral. Moi, je sais qu'une chose est mauvaise. Toi, tu en prends, ça te regarde. Le fait d'être extrémiste ne veut pas dire de convaincre tout le monde. Là encore, on se rapproche de l'attaque psychique. Moi, je n'en veux pas. En prenant donc juste une, moi, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que ça me donne des rougeurs, puis je vomis. Ah, la personne qui veut offrir une cigarette dans son salon, t'en offrira plus. Parfait, c'est réglé. Mais pas parce que c'est mauvais pour la santé, puis tu devrais tout de même arrêter, puis non, j'en veux pas, puis etc. D'accord? La voie du juste milieu, elle est psychologique. Bon, ok, c'est vrai, juste une, problème est grave. Ça, c'est la voie du juste milieu. Il est où le juste milieu? Quand est-ce que vous exagérez? Moi, j'en prends qu'un paquet par semaine, fait que franchement, j'exagère pas. C'est le gars qui exagère qui en prend un par jour, tu comprends. L'autre, moi, j'en prends qu'une par semaine. Le gars qui exagère qui en prend un paquet par semaine, lui, exagère, tu sais. Alors, moi, j'en prends une par mois. Le gars qui en prend une par jour exagère, mais moi, j'exagère pas. C'est où la voie du juste milieu? Ben, tout le monde a sa voie du juste milieu, puis qu'à un moment donné, la voie, le concept du juste milieu change, la personne est culpabilisée. Ou la personne est extrêmement contente. Bon. Non, l'énergie mentale n'a pas de juste milieu, c'est bon ou c'est mauvais. Le guide spirituel, c'est quelque chose qui a, qui peut être bon pendant un certain laps de temps. Tout ce qui est, je le répète souvent, tout ce qui est bon devient mauvais, tout ce qui est yavique devient satanique. Une chose est bonne parce qu'elle vous monte là. Elle ne peut pas vous monter plus haut. L'ascenseur qui vous monte jusqu'au 9e et qui ne va pas au 12e est bon, si vous êtes en bas. Rendu au 9e, mais restez pas dedans, il est plus bon, il est satanique. Le mieux qui peut vous arriver, c'est qu'il redescende en chercher d'autres. Il vous redescend en bas. Là, vous pensez d'arriver, vous sortez. Bon. Si vous prenez l'ascenseur qui va jusqu'au 9e, vous débarquez du 9e, la religion qui vous a amené là, la philosophie qui vous a amené là, n'est pas mauvaise. Elle est mauvaise pour vous. Vous changez, vous prenez l'autre ascenseur qui du 9e va au 12e, puis vous continuez. Du 12e, vous sortez, c'est la même chose. Tout ce qu'il y avait devient satanique. Le guide spirituel, c'est la même chose. L'individu qui est avec un guide spirituel et qui meurt avec le même guide spirituel, il monte au 9e, puis il est descendu souvent au 1er, puis il est remonté, puis il est descendu souvent en tabarouette. Une personne qui fait des cauchemars et qui se réveille en criant, c'est sûrement des attaques psychiques de l'astral inférieur. D'où provient la cause? Bon, c'est une attaque, disons, que je ne cataloguerai pas comme attaque psychique, en ce sens que ça ne devient pas une chose dangereuse. C'est pas tout à fait une attaque. L'individu a un phénomène vibratoire et une habitude astrale. Donc, dans son schéma mémoriel astral, et c'est un rêve, c'est un voyage astral, une extra-conscientisation astrale pour être plus précis, parce que le voyage, ça n'existe pas. Dans l'astral, ça donne qu'on n'a pas de corps, on n'a qu'une conscience. Ce qui arrive simplement, c'est que l'individu, dans son sommeil, son taux vibratoire descend, soit par son rythme de vie, sa fatigue physique qui puise dans l'astral des vibrations pour se générer, régénérer. Donc, elle a un rabaissement de vibrations astrales, soit par sa nourriture, soit par ses pensées avant, soit par un paquet de phénomènes, disons, qui pourraient être très longs à élucider. L'individu se place dans un niveau de l'astral où, lorsqu'il est extra-conscientisé, lorsqu'il s'endort, il s'en va se promener dans les bas niveaux de l'astral, le niveau de l'astral matériel. Alors, automatiquement, l'individu vit un cauchemar. L'individu peut apprendre par différentes techniques avant de dormir à hausser son taux vibratoire, soit en faisant brûler de l'encens dans sa chambre, Soit dit en passant, l'encens est aussi mauvais pour la santé que la cigarette, sauf que ça peut être bon pour un certain moment donné, parce qu'il augmente notre taux vibratoire, mais c'est de la fumée qu'on respire dans les poumons. Je vous dis ça juste comme ça en passant. On a avant ici, achetez-en pareil. Mais donnez-le en cadeau. Alors, l'individu peut augmenter son taux vibratoire en mangeant certaines choses, en prenant des douches d'eau chaude. Il y a plusieurs choses qu'elle peut trouver. Comme elle peut finir par, apprendre certaines techniques qui vont lui permettre, dans son sommeil, d'aller dans un cauchemar, de regarder le cauchemar, tout ce qui est cauchemardesque, puis de décider que c'est pas là qu'elle veut s'en aller, ce qui fait qu'elle a détruit tout le cauchemar. Le gros monstre, devient plus gros qu'elle. Le monstre grossier, elle vient encore plus gros qu'elle. Puis elle le bousille, puis bon, Superman vient l'aider. Elle transforme son rêve comme elle veut, jusqu'à temps que le rêve, puis peut être un cauchemar. Alors l'individu, évidemment, ça veut juste régler le problème du cri, elle a qu'à se coucher en ce matin et baillon, mais c'est sans doute pas ça qui est la question. Alors l'idée, c'est surtout de bien comprendre que l'individu qui fait un cauchemar, c'est un individu qui a un niveau astral bas lorsqu'il s'endort, et au lieu d'aller dans des plans astrales hauts, il va se promener dans des plans de l'astral bas. Les plans de l'astral bas sont générés par des entités astrales qui sont en train de mourir, c'est-à-dire des restes d'individus qui sont morts, qui sont en train d'être digérés par le plan planétaire. Ils sont peuplés de toutes les formes pensées qui sont créées lors de viols, lors d'assassinats, lors de mortalités violentes, lors de tout ce qui est émis par des enfants battus, par un tremblement de terre, la terre a peur, par des animaux, enfin bref, par des alcooliques, par des drogués, par un paquet de phénomènes qui mémorisent dans l'astral, donc qui te passe, tu émets une vibration qui est très basse, qui est beaucoup plus matérielle, qui est plus dense, et le bois astral est fabriqué de toutes ces choses-là. Et puis j'en passe encore, parce que si on regarde simplement les personnes qui puisent, pour écrire des livres d'horreur ou des films d'horreur, puisent simplement dans l'astral bas. Et cette astral bas-là, une fois qu'elle est écrite en livre, elle est lue, ou alors une fois qu'elle est mise en pellicule, ben elle nourrit l'astral bas. Hein? Évidemment, l'astral se nourrit tout seul. Alors l'individu est en vibration, il s'en va là. Il a un peu peur, sa vibration descend, il a plus peur, sa vibration descend, parce que plus on a peur, plus on abaisse notre taux vibratoire, et l'individu finit par descendre dans un cercle vicieux de plus en plus bas, jusqu'à temps que son entité physique finisse par embarquer dans le voyage astral, parce qu'un voyage astral, ça se commence en rêvant ou en imaginant quelque chose lorsque vous êtes réveillé, et le corps n'y participe pas. Le voyage astral, les yeux ouverts quand vous voyez quelque chose, c'est un voyage astral que vous appelez réalité, mais qui est aussi faux que le voyage astral psychologique mémoriel. Et dans un voyage astral, un sommeil, d'ailleurs on en a parlé longtemps lors de la conférence de voyage astral, vous allez diminuer votre taux vibratoire parce que vous avez peur, et plus vous allez vous enfoncer, il vient un moment donné où ce que le corps physique finit par être amené. C'est-à-dire que votre conscience, votre état de conscience qui quitte le corps physique pour aller se reposer dans l'astral, l'état de conscience astral, plus elle se conscientise dans son voyage, plus elle quitte le corps physique. Et il vient un temps où elle est tellement conscientisée qu'elle fait réagir le corps vital de l'homme qui fera réagir le corps physique exactement comme lorsque vous êtes réveillé. Si présentement vous voyez une grosse main ou encore vous verrez le plafond de la salle ici descendre lentement sur vous, ça vous ferait peur. Le corps physique réagirait par un paquet de phénomènes que vous connaissez bien, accélération du cœur, transpiration, etc., etc., etc. Et vous crieriez sans doute peut-être plusieurs. Dans un rêve, si votre conscience, et plus l'être humain a peur, plus il densifie son astral parce qu'il descend en vibration, et plus il densifie son astral, plus il densifie sa conscience, donc plus il devient conscient de son voyage, ce qui fait qu'il ne peut plus discerner s'il est là avec son corps ou sans son corps. Parce que le corps réagit. Et des individus peuvent faire une crise de cœur en pleine nuit parce que dans un voyage astral, ils ont eu quelque chose qui a été trop fort au niveau psychologique et ça l'a tué le corps, comme ça peut arriver une fois réveillé. Alors à un moment donné, le corps se met à réagir, l'individu a de plus en plus peur parce qu'il sent son corps réagir et il vient un temps où le corps, pour éviter d'aller trop loin, se réveille, l'individu se réveille en criant. Se pratiquer à transformer ces rêves-là, ça s'apprend. Pas en écoutant une conférence, mais ça s'apprend. Et essayer de trouver des techniques qui augmentent notre taux vibratoire avant de dormir, ça s'apprend aussi. On a parlé d'attaques psychiques, peut-être que ça prendrait un autre nom, là, mais est-ce qu'il y a d'autres formes d'énergie qui peuvent être comme infusées sous forme de programmation mentale et qui serait une autre forme d'attaque, mais pas psychique, là, si tu veux? Ou... C'est-à-dire que les attaques de l'astral, on appelle ça une manipulation. C'est un mot plus doux, mais qui est terrible. L'attaque psychique, ce que j'entends par attaque psychique, c'est lorsque toute ta psyché, tout l'être humain tel qu'il était, n'est plus ce qu'il était. Alors là, il y a réellement une attaque dans la psyché de l'homme complet. Et non pas une attaque d'une parcelle de l'astral extérieur dans une parcelle de l'homme. L'attaque psychique, toute la psychologie de l'homme est sans dessus-dessous. Alors si tu regardes toutes les formes de manipulation imbécile, comme par exemple lors des guerres, ce n'est pas parce que un meurtre est commis par tout le monde qu'il n'est plus un meurtre. Mais tu as une manipulation sociétaire qui te dit qu'en temps de guerre, tu peux te permettre des choses, qu'en temps de paix, tu ne peux pas. Et ta conscience est claire. Alors là, il y a manipulation de l'extérieur. Il y a donc ce que tu appelles une espèce d'attaque dans ta conscience. Parce que ta conscience te dit que tu es, ce n'est pas bon. Ou ton intelligence te dit, c'est évident, c'est absurde, sauf si j'ai faim, évidemment, puis j'ai rien d'autre à mettre sous la dent, là, parce qu'il faut être intelligent. Bon. Mais disons que ta conscience te dit que tu es, c'est mauvais. Mais il suffit simplement d'un changement d'événement dans la société pour que tu deviennes bon. Qui ici voudrait tuer quelqu'un et trouverait ça bon? Combien, lorsque Maurice vient à s'y retrouver, aurait pu tuer l'assassin? Et combien pourrait tuer celui qui tuerait ses enfants ou sa femme ou son mari? Il y en a qui vont dire, même là, parfait. T'as un revolver, tu rentres chez vous, t'as un revolver qui t'est apparu dedans ta main. Là. Tu rentres chez vous, il est armé, il est prêt, puis le chien même tiré. Après 5 à avoir un petit stress, ça détente, puis ça part. Tu rentres chez vous, il y a un gars qui est en train d'éventrer tes enfants ou ta femme. Là. Tu tues ou tu tues pas? Bon, alors, il y a des événements. Ta conscience, elle est pure, elle est quelque chose. Un événement change, une parole vient, et ta conscience, à ton insu, est transformée, et ce que tu ne ferais pas, tu peux le faire. Alors, disons que ce n'est pas des attaques psychiques, c'est une manipulation. On appelle ça manipulation, mais comme je dis, c'est extrêmement dangereux pareil. L'individu va quand même faire un acte qui peut aller jusqu'à tuer ou jusqu'à bien d'autres choses, mais ce n'est pas une attaque psychique en ce sens que l'individu, immédiatement après, regrette son acte. C'est pas un meurtre prémédité et c'est pas une action préméditée. C'est une action intempestive, mais d'une manipulation conventionnelle ou normale de l'astral. Elle est aussi dangereuse dans l'action même, mais ça n'a aucun rapport avec l'évolution et ça ne s'étirera pas dans le temps. L'individu ne deviendra pas une intelligence du mal. L'attaque psychique peut t'amener là. Mais l'individu qui est manipulé normalement ne réfléchira pas à faire le mal. L'événement ou quelque chose fait qu'à un moment donné, ah, là, c'est plus pareil, là. Parce que si tu regardes simplement, tu peux pas regarder parce que tu n'as pas encore la faculté d'y aller, mais à un moment donné, ça va venir. Tout ce qui peut être vécu dans les pays en guerre et les pays en famine et les pays où ce que les dirigeants se foutent royalement de la population étant donné que d'autres pays viennent aider la population, ils n'ont rien à faire pour les aider. Ces dirigeants-là, ils en massacrent du monde régulièrement. Et eux autres ont des soldats. Ils ont du monde, du peuple. Toi, t'es tout nu dans la rue, je te prends, je te fais soldat. Je te vêtis, je te nourris, je t'habille, je te donne une arme, je te donne un entraînement, t'es bien, t'es respecté. C'est important le respect. C'est important pour tout, là, mais je veux dire, c'est important pour l'homme. Et puis là, tu vas aller faire aux autres ce que tu maudissais quand on te le faisait. Mais c'est plus pareil, parce que là, tu as compris pourquoi il fallait que tu le fasses. Parce qu'on t'a fait comprendre pourquoi. On t'a compté les pipes, mais tu les crois. Ta conscience, elle est manipulable facilement. Et ça, c'est, disons, l'apanage de la collectivité humaine. L'attaque psychique vient surtout lorsque l'individu se révolte parce que l'individu vient de comprendre. Et au lieu de servir de son énergie de compréhension pour continuer à faire de quoi ou pour se transformer, il s'en sert pour essayer de transformer l'extérieur. C'est là le problème. C'est comme s'il y a une concentration dans le temps. Il y a une. Ce que ça te prendrait bien, bien du temps, le temps est accéléré pour que le choc, l'impression soit assez forte, tu le comprennes en un instant quasiment. Donc, c'est une tentative imparfaite d'actualisation. Exactement. Et au lieu d'avoir plusieurs, mettons, 1000 manipulations qui manipulent 1000 individus, toi, tu es prêt, les 1000 manipulations vont se grouper, vont venir sur toi. Là, tu subis une attaque psychique. Et comment être un individu qui est prêt à ça? Ben, c'est ce que j'ai expliqué ce soir, justement. Et l'individu ne peut pas s'y en attendre. Quand est-ce que vous allez tuer quelqu'un, le savez-vous? Mais il n'y a rien qui vous dit que vous ne le ferez pas. Puis quand est-ce que vous allez prendre un oiseau puis l'écraser avec une brique? Fouillez dans votre jeunesse combien de choses dans le genre vous avez déjà faites. puis ça reste vous autres. Quand l'individu le sait pas, mais si l'individu s'observe continuellement, si l'événement arrive pour le frapper, l'individu s'observe, il ne pourra pas agir. Il ne sera pas assujetti à une attaque psychique. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, paf, l'individu est complètement fou. 1 sur 1000, que je dis. Pas vrai, vrai, mais disons. Jusqu'à quand, je veux dire, une question pas claire, qu'est-ce qui fait là, que, karmiquement, je veux dire, quelqu'un peut être testé dans un incident aussi fort que ça? Vois-tu, le karma dépend surtout, 90% de ton karma, c'est le karma relatif, celui que tu t'imposes toi-même. Ça répond à ta question. Quelles sont les lois karmiques qui fait que tu arrives là? Ben oui, mais c'est toi qui te l'imposes, ton karma. Puis c'est justement toi qui émets les vibrations qu'attire l'égrégore. Puis c'est toi qui vas payer ce que toi tu décides que tu payes, inconsciemment ou non. Tu fais un vol carabiné, puis tu te sens un petit peu coupable. Ben, tu as déjà ton karma relatif avec toi. Puis tu vis dans une société où le vol est réprimé, tu voles pareil. Tu connais les lois de la place. Si tu vas à Rome, tu vis à la romaine, tu connais aussi ce qui va se passer. Tu n'as pas le choix. Alors, qu'est-ce qui, karmiquement, vient décider ce que tu as à faire? C'est toi-même. Ton karma, il est relatif. Toutes les fois que tu culpabilises, tu payes ton karma. Toutes les fois que tu fais quelque chose qui est inintelligent, tu payes ton karma. Comme je l'ai expliqué souvent, prends un char, rentre dans les murs avec, ben, tu as payé un karma de char qui rentre dans les murs. C'est ça, la loi du karma. Tu connais les règlements, prends un char, rentre pas dans le mur, ben, tu payeras pas la loi du mur. Roule vite quand c'est glissant. Ben, s'il arrive de quoi? C'est ton karma à toi. C'est pas que des forces particulières qui t'ont manipulé un peu dessus le gaz, puis tatatata. C'est sûr qu'il y a des phénomènes psychologiques en toi qui te font bouger. Mais c'est pas un karma que t'as à payer. Mais c'est parce que t'as douté que t'as à le vivre par expérience. Oui, mais c'est toi-même qui t'imposes toujours les choses. Tu décides que tu roules vite puis t'as pas ce pneu d'hiver. Ou toutes les... Regardez simplement toutes les fois qu'il vous arrive quelque chose dans votre vie, puis cherchez comme il faut, vous allez voir que si vous auriez été mental, vous l'auriez évité. Donc, c'est vous-même qui décidez de votre karma. C'est pas le karma qui décide de vous. Quelle que soit la chose, tes enfants morts dans un incendie, t'avais-tu un détecteur de fumée en marche? T'avais-tu prévu quelque chose dans le genre, mentalement? Tu viens pour ouvrir une porte, la porte s'ouvre, tu te casses un poignet ou tu te fais mal. Ben oui, mais t'avais-tu prévu qu'on ouvrirait la porte? Tu places-tu ta main dans la poignée, de toute façon, ça te casse rien. Tu rentres dans un autobus, tu t'accotes les pieds n'importe comment. L'autobus, ça freine, tu te casses une cheville. Mais t'as-tu regardé comment tu t'as fait tes pieds au cas que ça arriverait? Puis c'est pas long réfléchir de même. Mais c'est du karma. Ça va bien. Ma mère est morte, c'est mon karma. Ta mère est morte, c'est pas ton karma, c'est parce que le corps humain, il meurt à un moment donné. Tu veux que ce soit ton karma, ça va l'être. C'est juste des choses comme ça. Tu ouvres une boîte de conserve, tu manges, tu attrapes le botulisme. Elle était gonflée, hein? Ça fait 30-40 ans, là, que ça arrive plus, qu'on ne l'enseigne plus dans les écoles, tout le monde le sait. Tu aurais pu la sentir avant, la goûter avant. Mais non. Si t'es mental, le moindrement, si tu te sers un peu de ta faculté mentale, tu élimines 90% de ton karma. L'autre 10% de ton karma, il peut être muté en leçon. Donc, tu apprends. Fait qu'encore là, tu joues avec eux autres, hein? Ou tu subis. Là encore, dans les pièges du karma, on en a parlé. Là, je vais pas trop revenir dessus. Mm-hmm. Bon, plus tu te donnes une grande coordination musculaire à ton corps, tu donnes des chances, finalement. Plus tu pratiques ton corps à ce qu'il soit contrôlé par ton mental, comme tu dis, plus tu as une coordination musculaire, plus tu as des bons réflexes, plus tu as la faculté de voir mentalement, tu rentres dans une salle, tu vérifies, je l'explique souvent, tu vérifies s'il y a des systèmes de, s'il y a des extincteurs, ou ce qui sont les sorties de secours, de quelle manière ça te placer s'il arrive telle chose. Tu y vas mentalement, puis ton karma, où c'est qu'il va aller ton karma, où ce qui peut arriver ton karma. Il ne peut pas en avoir énormément. Alors, ce qui fait que c'est le karma relatif qui t'amène à être sujet à des attaques psychiques, qui t'amène à souffrir tout ce que tu as souffert, bien plus que le karma lui-même. Le karma est toujours divisé sur la collectivité. Un meurtre à Montréal, tu vas avoir à le payer, ça fait partie du 10% de ton karma. Tu vis à Montréal, tu vas subir le karma de Montréal. Tu déménages en campagne, ben là, tu te lèves du karma de Montréal. Si une bombe nucléaire qui tombe à Montréal, tu ne seras pas là pour en mourir. Si un jour tu te fais violer à Montréal, puis si tu restes en campagne, ben tu seras pas là pour en subir les effets. Tu veux rester dans un endroit karmiquement noir, tu vas subir le karma qui est là. Mais ça, c'est le 10% du karma que tu as payé dans ta vie. Tout le reste, le 90% qui fait partie du karma différé, du karma relatif, du karma, ce que tu voudras, une incrime de paquet, c'est simplement des karmas que tu t'obliges toi-même et que tu vas payer et qui peuvent t'amener au suicide, à les attaques psychiques. comme à l'évolution, tu transmets tes karmas là, ça. Karma, c'est une méconnaissance des lois de l'homme, puis l'homme a appelé ça une loi.